OK, ben mais ils... jamais goûté. Non, ils ont d'autres saveurs. J'ai vu canneberge et noisette qui avait l'air vraiment bon aussi. J'y ai pensé énormément. Il y avait les verres qui sont au raisin sec et au pacane et au romarin. J'ai vraiment pensé, là, pour vrai, je savais pas lequel choisir. J'ai pris celui que je trouvais le plus beau parce qu'il est mauve. C'est vraiment beau. C'est vrai. Un genre de mauve... comment dire? Un genre de mauve foncé que j'aime bien quand même. Couleur oignon un petit peu, je trouve. Donc, qu'est-ce que ça dit dessus? Ça dit de l'essayer en jumelage avec du prosciutto et des tapenades, du gouda canadien et des conserves aux figues, peut-être. D'autres idées de jumelage sur lesliestowe.com. Leslie, L-E-S-L-E-Y, S-T-O-S-T-O-W-E. On se croirait dans l'info campus à devoir appeler les noms tout le monde. Lynn.Saint-Cartier. Exactement. Ça dit, le slogan en anglais est Very Yummy Product Inside. Oh, very yummy product inside. Comme un produit vraiment mium mium mium, mais en français, on l'a traduit vraiment pochement avec meilleur avant le pour une fraîcheur optimale. C'est complètement nul. Very yummy in the tummy, là, c'est complètement différent de meilleur avant pour une... Exactement. C'est pas ça, pente. Triste. Parmi les ingrédients, on compte de la farine de blé non blanchie. OK. Des figues séchées avec farine de riz. Des graines de citrouille, des graines de lin, des olives kalamata, des graines de sésame, du lait écrémé en poudre biologique, cassonade, bicarbonate de soude, sirop doré, sel de mer, miel, acide citrique. Wow. Ça contient des graines de sésame, blé et lait. Ça peut contenir des noix et des noyaux d'olive. Des noyaux d'olive. Mais probablement broyés, j'imagine. Ouais, donc, probablement, on va pouvoir le manger, j'espère bien. Sinon, tu te casses une dalle. Il y a combien de panneaux après cette boîte-là? Il y en a beaucoup. On va continuer avec une petite description de la compagnie. Leslie Stowe Fine Foods adore fabriquer et vous offrir de délicieux produits. Ces fabuleux craquelins sont fabriqués avec soin en petite quantité dans la cuisine de Leslie. Seul un produit maison fabriqué avec des ingrédients de qualité supérieure pourrait satisfaire Leslie et son équipe. Craquer pour ses fins craquelins. Ça, évidemment, c'est en français. On va aller voir en anglais si la phrase est plus cute, probablement. A crispy conversation starter. Oui, c'est plus cute. Ça va démarrer des conversations tout en étant croustillant. A crispy conversation starter. Mais en français, craquer pour ses fins craquelins. Non, c'est non, c'est quétaine en boboy, pour vrai. Des sioux naturels, ces craquelins sont irrésistibles lorsqu'ils sont accompagnés de trempettes, de fromage ou d'antipasto. Tout comme nous, vous ne pourrez plus vous en passer. En anglais, c'est « We are addicted to this yummy snack food and are sure you will too. » Nous sommes accros à cette délicieuse collation et nous sommes certains que vous le serez aussi. Vous voyez comment c'est beaucoup mieux écrit en anglais? En effet. Bon, je te passe l'emballage de Rain Coast Crisps aux figues et aux olives pour pouvoir ouvrir ça dans le micro magique. C'est l'emballage en boîte rectangulaire, un prisme rectangulaire. Avec un coin transparent pour voir les biscuits. C'est pour ça que je les ai achetés d'ailleurs, parce qu'on voit les biscuits qui sont tout croches dedans. Ils sont vraiment faits à la main, ils sont tout croches. Ils sont vraiment faits à la main, ils sont tout croches. C'est vrai? Les chips sont-ils faits à la main? Non, mais t'as vu, ils sont pas plates, ils sont comme toutes gondolées. Oh! Il y a un autre. Un suremballage? Non, mais il y a un autre message. Ah, ok, continue. Ça dit en anglais: keep them fresh. Once opened, store in an airtight container, the crisp can also be frozen for several months to re-crisp. Pop them into the preheated 325 Fahrenheit oven for 3 to 4 minutes. Ok, attends, t'as dit beaucoup d'informations en même temps. Donc, ça dit, pour une fois ouvert, de mettre dans un contenant hermétique. Exactement. T'as dit qu'on pouvait les congeler pendant plusieurs mois. Exactement. Et que pour les ramener à leur niveau croustillant, tu devrais les mettre 325 degrés dans un four. 325 Fahrenheit. Oui, j'espère. Ce serait fort, sinon. Exactement. Hein? Pour qu'ils redeviennent croustillants. Voilà. 3 à 4 minutes. Et ça dit « Yummy as ever ». Oh, « Mium Mium » comme toujours. Oh my God! OK, il y a comme plein d'informations. Ah, yeah, mais ça arrête jamais. C'est comme dans un petit, on va vous l'expliquer un petit peu, le prisme rectangulaire mauve-oignon. Une petite fenêtre transparente pour voir les chips à l'intérieur. Et après ça, t'as comme un petit cabaret de carton emballé dans un plastique externe comme un paquet de biscuits soda. Exactement, puis vous avez des recettes sur le petit carton qui contient les biscuits à l'intérieur, les petits craquelins. Les genres de craquelins croustilles. Oh! Est-ce que ça sent la figue? Sent la figue, mais on sent ce petit vinaigré de l'olive kalamata-là. Kalamata-là. Ça sent bon. Je trouve que ça sent les raisins. Ben, c'est drôle, j'ai dit mes raisins alors que je pense qu'il n'y a même pas de raisins dedans. C'est pas celui-là qui était au raisin, c'était une autre saveur. OK, je m'en prends un. Et je te reprête le... On dirait un pain, en fait. On dirait que ça a été fait en forme de pain. C'est très brun, hein? Très, très brun. Très brun. On va voir si ça goûte aussi brun que ça en a l'air. Est-ce que tu veux que je croque dans le micro magique? Ben, ah, ben oui, bonne idée. Okay. Fort. Il y a des graines de sésame, il y a beaucoup de graines là, là-dessus. Là. Des graines à volonté. Okay. Si vous êtes célibataire. J'en prends un aussi, on va le décrire visuellement un petit peu. T'as dit ça ressemblait à du pain. En effet, on dirait une petite tranche de pain. Un pain aux bananes minuscule. Oui. Qui aurait tranché très très mince et fait cuire. Ça ressemble vraiment à ça. Est-ce qu'il y a des graines de tournesol dedans? Ben, des graines de quelque chose. Tantôt, j'avais lu les ingrédients. Je me rappelle pas qu'est-ce qui était une graine là-dedans, t'as un peu. On graine a fait, de vraiment beaucoup. Graine de citrouille, oui. Graine de lin. Et voilà. Il y a ça dedans. Ok, on est prêt? Oui, mais ça qu'on est prêt. Hey, c'est très bon. Ouais. Très bon, mais très bon. Mais moi, je dois avouer que je préfère mes craquelins bruns. Ben, je préfère mes craquelins très croustillants, ce qui est le cas ici. Comme, je les mangerais avec absolument rien dessus. Mm-hmm. Oui, oui. La saveur est présente. Mais ça goûte les raisins secs, comme t'as dit. Mm-hmm. Qu'est-ce qui pourrait goûter les raisins? Ah, ben, les figues. Les figues. Ben, ouais. Tu cherches pas plus loin, hein? Avec le petit mélange de miel. Ouais. Ah, c'est quand même... C'est pas trop sucré. C'est même c'est pas comme semi-sucré, semi-salé. Ouais, un bon milieu. Pas trop. On a, en tout cas, moi, là, ah oui. 2 pouces en l'air. Ah, t'as pas le droit, mais 1 pouce en l'air. Quoi? J'ai pas le droit. Ben, c'est en haut, sur le côté ou en bas, okay. Chacun. OK? En l'air. Haut, en haut, moi aussi, voilà. Mais on est très, très, très, très en l'air. Ah, comme je mangerais juste ça. Ah, et j'ai vraiment envie d'essayer les autres. Par contre, le désavantage. C'est dispendieux. C'est dispendieux. C'est 7$ l'emballage. C'est très cher. C'est pas un énorme emballage. Là. Combien est-ce qu'il y avait de grammes là-dedans? 170. Mais l'emballage, je l'ai le remarqué, est mauve. C'est sûr que vous pouvez pas vraiment le manquer dans l'allée des craquelins. Et comme je disais, il y avait 3 saveurs. Un rouge, un vert et un mauve. Je vais rappeler les saveurs que j'ai mentionnées tantôt. Il y avait craquelin aux canneberges et aux noisettes. Ça, c'est le rouge. Et t'as le romarin, raisin sec et raisin sec. Au raisin sec. Ce soir, au raisin sec. Donc, raisin sec et au pacane. Pour vrai, je savais que j'allais regretter peu importe quel j'allais prendre parce que je voulais essayer les 3, mais ça aurait fait 21$ plus taxes. Mais beaucoup de points M par contre. Ah, chez c'est Métro. Excellent. Ah, c'était chez oui. Métro. Ben oui. OK. Ah, je l'ai dit jamais parce qu'on veut pas faire de pub pour rien, mais c'est chez Métro. Non, mais là, on veut les retrouver, ceux-là, tu comprends-tu? Oui. C'est presque toujours chez Métro, en fait, mes produits. Sachez-le. Je le mentionnerai peut-être pas à chaque fois, mais c'est pas mal tout le temps chez Métro. Une grosse pointe tendresse, c'est la grille dans laquelle on mange ou on boit un produit du tiroir, c'est-à-dire un produit que je garde dans mon tiroir littéralement pendant quelques semaines. Donc un article acheté en épicerie, en pharmacie, en dépanneur, peu importe, quelque chose de malsain. On a établi vraiment, je pense, Tania et moi cette année, les 3 règles, donc devons suivre 2 de oh ces non. règles. Non, ça ne se souviendra ouais. plus. Donc, il faut que ce soit achetable ou facile à faire. Exactement. Il faut que ce soit malsain. Oui. De la malbouffe. Et achetable dans une épicerie. Oui. Alors ça, c'est le premier, ça m'a faire achetable ou facile à faire. Ouais. Le troisième est que personne l'a essayé. Oui, et voilà. Voilà. Donc, t'as droit à 2 sur 3. Donc, si, ça se pourrait que ce soit santé des fois, mais que le reste fonctionne. Oui, 2, genre, ça c'est moi. Puis Mathieu aime pas ça. Exactement. Non, mais c'est correct. Sont les derniers craquelins que t'avais achetés, ils étaient bons. C'est vrai. Oh, je me rappelle de ça. Mais justement, j'ai acheté en même temps que ces craquelins-là de la semaine passée, j'ai acheté aussi quelque chose d'autre. Et aujourd'hui, on va boire ensemble, Tania. À l'habitude, quand on boit, c'est avec David Ferron qui nous amène de la liqueur. Cette fois-ci, ce n'est pas de la liqueur. J'ai pris quelque chose qu'on aime, ben, on aime beaucoup, toi et moi. C'est de l'espresso. OK. OK. Sauf que j'ai amené de l'espresso avec créma délicate instantané de Nescafé. D'accord. Ça a l'air particulier de l'espresso en poudre instantané. Ouais. Ça m'a intrigué. Donc, c'est pour ça que je suis allé faire chercher un grand verre d'eau bouillante. Honnêtement, j'espère qu'il ne goûtera pas la même chose que celui de la cafétéria. L'espresso de la cafétéria. Blum. L'autre jour, on a vu quelqu'un avec ça dans les mains. Hi, on a failli l'avertir. Hi, c'est pas dans quoi tu t'embarques, mon cher. Ma chère. Parce qu'on l'a essayé, nous, l'espresso de la cafétéria. Hi. Ce n'est pas buvable. Non. It's not bubbable. Tu sais, de la mélasse, là, je pense que j'aurais aimé mieux boire poc de mélasse que ça. C'est bien meilleur de la mélasse. Oui, non, non. Non, les espressos, si vous en voulez, c'est à la chasse-galerie qui se trouve. D'accord? Exactement. Mais les peut-être, peut-être aussi dans un pot de Nescafé instantané, on va voir. Donc, à part de dire que c'est Nescafé et espresso, 100% Arabica avec crème délicate, ça dit pas grand-chose, c'est un pot de 100 grammes. Ça nous dit derrière que pour un espresso authentique avec une délicate couche de créma, ça c'est le petit dessus, le genre comme le blanc sur le, l'espresso, il faut mettre de 1 à 1,5 cuillerée à thé de café dans une petite tasse à espresso, ajouter de l'eau chaude fraîchement bouillie, remuée et savourée. Tu comprends?

J'avoue que ton 175 minutes a l'air parfait parce que c'est pas mal le café qu'on nous donne à la chasse galerie quand on demande un allongé. C'est sûr qu'un Americano, peut-être qu'il y aurait plus que ça d'eau en tant que tel, mais eux, ils disent 175 millilitres. Bon, on va leur faire confiance. Il y a une de nos auditrices fidèles qui aimerait savoir où t'as pris que je cuisinais. J'avoue, parce que tu m'as parlé de tes produits épicures que tu avais utilisés dans tes recettes. Donc, oui. Hein, c'est là que j'ai pris que tu cuisinais. Ça. C'est bien les mensonges. C'est bien, hein? Le vrai, le faux, le faire tout le temps. Il y a du faux, Tania, cuisine. Donc, on va sentir un peu. T'as senti la poudre tantôt, mais moi, je vais sentir le mais café. Mais là, la poudre versus le café, ça sent différent. J'avoue, mais ça sent un peu plus le chocolat chaud. On dirait que le café, on dirait qu'il est très, très, très sucré, cet espresso, j'ai l'impression. Ouais, moi aussi, j'ai l'impression que c'est comme sucré un peu. C'est quoi qui est écrit en bas de l'étiquette en avant? C'est 100% arabica avec créma. Ça précise pas de saveur. Créma délicat. Avec créma délicate. Bon, est-ce qu'on se lance? On se lance. C'est plus sucré qu'un espresso habituellement. C'est moins amer. Beaucoup moins amer que les espressos traditionnels qu'on boit d'habitude. Mais j'ai pas ça. C'est un petit côté vraiment chocolaté. Même, je dirais, presque de brûlé. On dirait un café brûlé. C'est ça tantôt que je disais, le dessus d'une crème brûlée. Une crème brûlée, exactement ça, le dessert, la crème brûlée, ça goûte ça, mais c'est très bon. Puis, c'est pas agressif comme un espresso qui pourrait être fait avec beaucoup moins d'eau, ouais, c'est ça. Par exemple. Je prends mes espressos, d'habitude, je les prends pas espresso straight, je les prends espresso allongé, parce que je préfère un petit peu moins de côté amer. Ouais. Et c'est parfait comme ça. J'approuve énormément. Instantané, oui, en plus, bon. Ça se fait tout seul. Pour moi vrai, aussi. Ça a rien pris à part une bouilloire. J'approuve. Ouais, pouce en l'air, facilement. Tout ça pour 30 secondes de résultat. C'est... c'est bon. Les gars, ils se font des mimes et je ne comprends absolument rien. Je suis en train de montrer que j'ai mal au poignet. Je sais pas pourquoi je me suis... Tu veux que je te donne une théorie? Non. Et après ça, c'est mis à mimer plein de choses. Arrête, j'essaie de mimer Mathieu comme... Ben, tu flattes trop ton chat. C'est ça. C'est ça. Ben, j'y allais pas jusque-là, mais maintenant, tiens. Bref, ça nous a amené à faire plein de différents mimes, comme genre des violons. J'essaie de t'inviter à mettre de la glace sur ton poing, mais c'était pas clair. Ah, merci. J'aimerais penser que je pensais que tu prenais une boîte de quelque part. Ah, peut-être. Ça aurait pu être un plaster ou quelque chose. Aussi. C'est dur de mimer un frigidaire, en fait. C'est vrai. Il va falloir que je me pratique un peu plus. T'aurais dû frissonner. À la chaise galerie tous les lundis, l'improvisation de lutte. C'est vrai. Ils ont l'équipe des rouges, Alexandre. Alex Marchand. Ouais. Oui. Toi, c'est Alex, l'autre, c'est Alexandre. Exactement. Mais tout le monde s'appelle Alex Marchand, de toute façon, dans la lutte. C'est ça. C'était la mode, comme nom. Donc, on a ramené, comme vous l'avez entendu, l'ex-marchand de la GEQTR pour la chronique Grosse Pointe en Dresse. Cette semaine, faut prendre ça mollo. Là. On essaie de prendre ça un petit peu plus santé parce que la semaine prochaine, c'est notre gros potluck annuel. Dorénavant, c'est le premier. D'une série, j'imagine. Peut-être. Ah, ça, c'est sûr. J'espère faire ça chaque année. Hey, okay. Mais bref, donc j'ai pris des produits santé. Vous allez voir, c'est dans mon petit sac en dessous de la table, ici. OK. Hey, c'est mystérieux, ça. C'est très mystérieux. Okay. J'en ai amené deux boîtes, même, pour varier les saveurs. Oh, d'accord. Mais un gros festin ce matin. Donc, c'est de Dare, la compagnie Dare. Ça s'appelle les biscuits Real Fruit. OK. Délicieux biscuits croustillants enrobés de yogourt avec des raisins sultanas et des fraises. Miam. Et de l'autre côté, c'est enrobé de yogourt avec des raisins sultanas et des pommes. Tania, tu peux pas goûter à cela. OK. J'en ai amené deux, mais il y a pas de pommes, là. Lui, je vais goûter seulement aux framboises. Il y a des pommes, il n'y a pas de pommes. Bon. Donc, ben, j'espère qu'il n'y aura pas de pommes, en tout cas. Les ingrédients dans celui aux fraises. Non, mais... Sûrement pas. C'est le cas, je vais mourir. De toute façon, on est à quoi? Une semaine de la fin? Mathieu et sa mousse. Arrête de le dire à chaque fois que j'échappe ma mousse. Mathieu, il a mal au poignet puis il échappe sa mousse. C'est vrai, et j'ai le rhume. C'est la meilleure semaine de ma vie. Bref, donc, j'allais dire, Real Fruit, biscuit, c'est marqué nouveau dans le coin. Fraise avec yogourt, c'est marqué sachet individuel. Okay. 6 sachets individuels. Parmi les ingrédients, on retrouve de la farine de blé, de l'enrobage de yogourt. Où finit la parenthèse là-dedans? Waouh, ça c'est une méchante longue parenthèse. Raisin sec, huile de canola, sucre, lait écrémé en poudre, fraises séchées, huile de tournesol à teneur élevée en acide oléique. Sel, arôme naturel, bicarbonate de soude, lécithine de soya. Contient blé, soya et lait. Produit confectionné dans une usine exempte de noix et d'arachides. Donc, t'auras pas de problème avec les pommes sur celui-là. OK. Tania, nous, on pourra goûter celui aux pommes par après pour juste le par fun. Par rapport à une affaire, du bicarbonate de soude, là, ça sert vraiment à tout. Tu peux le manger, tu peux le mettre sur ta peau, puis oh, tu peux, aussi déboucher des tuyaux avec ça. Hein? C'est quel polyvalent. Matériel incroyablement polyvalent. C'est le Mathieu Plante des affaires. Oh. Estime de lui-même assez gonflé. Il va falloir une porte de garage pour laisser rentrer Mathieu avec sa tête. Il est tellement, tellement prétentieux, ce gars-là, ça va pas ça. C'est marqué que Dare est le meilleur choix. Ça dit dans le coin, fait de yogourt et de vrais fruits. 0 g de gras trans par portion, sans colorant ni saveur artificielle. J'ai fait le tour de la boîte, il n'y a pas grand-chose d'autre à lire. Ouais, hein? Donc, je te passe les deux boîtes, Tania. Attention, fais attention à celle aux pommes, le touche pas. C'est tellement subtil comme transition. Ah ouais. Il n'y a pas de micro magique, donc tu vas devoir endurer ce micro-là. C'est ça. Ça ne sera pas aussi fort que d'habitude. Ça s'ouvre très bien. Ben, portion individuelle, monsieur. Oui, c'est ce petit sachet. Vous voulez framboises, fraises ou... Un chac, hein? OK. Oh, oui. Les deux me regardent. Pourquoi tu poses des questions? Parce que tu nous connais. Mathieu, va falloir t'attraper. OK. Hey boy, c'était même le plus beau lancé de l'histoire. C'était vraiment très bien fait. C'est que j'ai réalisé que j'ai... En tout cas... Bref, hein? C'est ça. C'est ça. Il y avait des objets dans le chemin. Exactement. On ouvre tous celle aux fraises. Une petite fente. Ah oui. C'est le fun, une petite fente serrée, hein, même ça de même. Mathieu pis son ça poignet. Ça donne mal au poignet à Mathieu. Vous avez vraiment pas faim. Oh, ça dégage de l'odeur, ça, les amis. Ouh. C'est très, très fraise. Très fraise et crème, je dirais. Oui, ça attache tes doigts. Ah ouais? Bon. Ben, j'ai... Moi, je le prends tout le temps avec le sac. C'est parce qu'Alex, il a les mains trop chaudes. C'est ton brownie de... Ça doit être ça. Oh, Duncan Hines. C'est ça? Bon. Est-ce qu'on goûte? On goûte. Ça sent les Pop-Tarts. Ça goûte les Pop-Tarts, sont maudits. Non, c'est tellement le même principe. Ça goûte les Pop-Tarts, c'est ça, aux fraises, avec le glaçage, tout. Mm-hmm. C'est que ça, là. Ça goûte les Pop-Tarts. Sais-tu si ça sentait que ça? Ce sont des Pop-Tarts. Ça ressemble-tu à des Pop-Tarts, tout le monde? Ouais, on va regarder les trucs. Les quand même 90 calories pour un biscuit, ouais, c'est quand même pas si santé que ça, finalement. Bon, il y a 20, 15 grammes de sucre. Fait. Ouais, t'en prends deux comme ça, puis t'as bu l'équivalent d'un Coke en tout, quasiment. Hey, à la place d'appeler ça une grosse pointe tendresse, on pourrait nommer ça, on mange la bouche pleine. On parle la bouche pleine. On parle la bouche pleine. On parle la bouche pleine. C'est excellent. C'est excellent. J'aime ça, mais je pensais que ça allait être plus santé que ça. C'est triste. Mm-hmm. Mais ça a l'air. C'est vraiment trop peur. Là, comme c'est drôle, là. OK, exempté de noix et d'arachide. Ouais, mais tu vois, l'emballage est très, très blanc. Avec du vert dessus, vert, ça fait santé. On sait que c'est comme la couleur de la santé, ça. Je sais pas. Et en plus, il y a des vrais fruits dessus. C'est comme ça que Mathieu pense. C'est comme ça que les gens pensent. Je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont fait comme ça. Ça s'appelle Real Fruit, vrai fruit. Ouais, c'est quand même marqué meilleur choix, fait de yogourt et de vrais fruits. Donc, ouais, c'est ça. Puis sinon, 0 g de gras trans par portion. Mais peut-être qu'il veut dire meilleur choix comparé à une Pop-Tart. Ça devrait être écrit ça. Comparé à une Pop-Tart. Est-ce qu'on essaie celle aux pommes? Ah ben là, ben c'est sûr. Vas-y dans ton micro, Alex, vu qu'elle a pas là de toucher à ça. J'ai le droit d'y toucher. Non. Non. Hey! Et de deux. Ah, il a touché. Et merci. Oh, sur la console. Mais je pourrais peut-être même la manger. Avec une sauce. Une chance qu'elle était fermée. La barre. OK, on ouvre ça. Est-ce que l'odeur est que j'essaye de la manger? Tania, tu vas te faire c'est... mal, là. Mais non, mais s'il y a pas de pleurs, je suis correct. Ben, gars, nous autres, on s'enlève toute responsabilité de ça. On est pas responsable. D'accord. Veux-tu qu'on préappelle le 911 sur la ligne? T'es pas gay. Je te rassure, Mathieu, je vais co-animer s'il arrive. Merci. OK. Donc, l'odeur, est-ce que ça sent bon? Hé, ça sent les pommes en shitload. Vraiment, j'ai jamais vu quelque chose qui sent autant les pommes. Hey, crime. Hein? Peut-être une croustade aux pommes, c'est mettons. Tu trouves pas que c'est comme intense? Ça sent la cannelle, pomme? Là. Ouais. Ouais, bah, ouais. Ben, il y a de la cannelle en arrière. Ouais. T'es pas allergique à la cannelle? Cannelle? Non, j'aime bien la cannelle. Tu sais, Alex, c'est étouffé juste à l'odeur. T'as un petit morceau qui m'est tombé dans la gorge. Bon, ok. Es-tu capable de l'ouvrir ton paquet? Ouvre tout le paquet. Ah oui. Oups, monsieur, on va redoubler ma fly, moi, là. Je vous jure qu'il y a mes deux Ok, on goûte. Plus croustillant. Mais ça goûte comme les pop-tarts encore. Un peu moins. Moins que l'autre. Tout sûr, je suis dans celle-là. Non, même affaire. Pas mal du tout. Ouais. J'aime mieux celle-là pour le côté croustillant de la chose. Ouais. Moi aussi. Des textures qui sont un peu plus intéressantes en bouche. C'est bizarre que les deux soient aussi différentes que ça. C'est moi où il y a moins de feeling aux pommes que de petite gelée à la fraise. C'est vrai. On dirait que la fraise avait l'air quasiment moins naturelle que la pomme, qui a l'air plus véridique. Mais il y a juste pas de gélatine aux pommes. Pas de gélatine. On pourrait faire une pièce de théâtre avec ça, Mathieu et la pomme véridique. C'est inspiré de la Bible pis tout ça. Donc à la place d'avoir une pomme, c'est genre une bar real fruit de terre au vrai fruit. The holy apple. Je sais pas, j'aime bien, mais je me demande si je mets mon pouce en l'air. C'est pas, il me semble, parce que sinon je mets mon pouce en l'air pour tout. Là. Ah oui, là, on vient de boire un coke, là, c'est ça? En plus, ouais, parce que deux bars égale un coke. Mais j'ai mon pouce en l'air, j'aime mieux quand même. Bon, quand même, mais oui, je pense que j'aime mieux celle-là aux pommes, par exemple, que celle aux fraises et kiwi. Ouais. Pas kiwi, c'est fraises et raisins. Ah, fraises. Fraises, raisins. Mais les deux ont du raisin, je pense. Mm-hmm. Ouais, mais les deux, on goûte pas le raisin. J'ai pas goûté. Mais c'est parce que les raisins, ils sont là, les gars. Ah, faut les. Je vais tenter une expérience. Les deux en même temps. Comme les pop-tarts. Comme tu fais avec les pop-tarts, des fois. Alex, c'est un sandwich. Ouais, je tiens à dire que si vous mettez les deux, le yogourt face, ouais. On ne s'attache plus les doigts, donc c'est non, super. Non, et ça ressemble à un s'mores. C'est vrai. Tu pourrais quasiment les mettre sur un pic, sur un feu de camp. Ouais, c'est vrai qu'on dit. Comment ça s'appelle sur. Smurl fruit. Smurl fruit. J'essayais de faire un jeu de mots pour Mathieu. À la Mathieu Plan. Sachant qu'il aime tellement ses jeux de mots. Hein? Les deux en même temps mangent, je pense. Ah ouais, tu sais, Melvin, je parle de la bouche pleine, donc je parle de la bouche pleine. On dirait que le goût de cancel un petit peu. Ça goûte plus rien, finalement. C'est ça, c'est un peu neutre. Non, c'est pas mauvais. Ouais. Ben, j'aime mieux peut-être séparément, par exemple. Ouais. Je vais séparer le sandwich. Ouais, c'est ça. Vas-y avec la méthode traditionnelle. Est-ce que tu mets ton pouce en l'air ou en bas ou sur le côté? Non, en l'air. Pas en l'air, les deux en même temps. Les deux en même temps, c'est le pouce sur le côté. Oh, mais, ok. Indépendamment, chacun, c'est pouce en l'air. Ouais. Faut y aller traditionnel, sinon, je veux dire, en même temps, faut s'établir des règles, là. Ben oui, c'est sûr. Évidemment. Cool. Donc, 3 pouces en l'air pour ces biscuits Real Fruit de Dare. Une grosse pointe tendresse, c'est la grille dans laquelle on goûte à un produit du tiroir, c'est-à-dire un produit que j'ai acheté en magasin, en épicerie, en pharmacie, peu importe, et que j'ai laissé dans le tiroir de mon bureau pendant plusieurs semaines. En fait, celui-là, le produit qu'on goûte aujourd'hui, les amis, date du mois de, je crois, novembre, avant le potluck. C'est ce que j'avais prévu amener au potluck, mais il y avait tellement de monde. T'es-tu en train de me dire que c'est passé date? C'est pas supposé, non. Ok. Pas supposé. Il y avait tellement de monde à notre potluck à la fin du mois de décembre que vous avez peut-être, j'espère, entendu pendant les fêtes. Ça a joué plusieurs fois. On a eu beaucoup de plaisir à ça. Tellement de monde qu'on a failli dépasser notre case horaire. Ce fut très populaire pour une première édition. Vraiment. On est très contents. Les gens en redemandent et ça risque de revenir pas mal avant l'année prochaine. Yay! Yeah! David est tout excité. De la bouffe! De la bouffe! Pendant les fêtes, on a aussi des émissions spéciales, des montages de toutes nos chroniques depuis un an environ. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ça. Mais là, on est de retour pour une nouvelle chronique, la première de 2017. Back to the future. Back to the future. Je vous ai amené un sac qui est par terre en ce moment, que David essayait de regarder sous la table. Espèce de petit tannant. On va voir la date, c'est encore bon, attends un peu. Ben, peut-être pas, finalement. Peut-être quoi? Pas, mais... Ouais, c'est non. Pas ces dates. Ben, c'est pas ces dates. Je penserais pas que ce soit mauvais, là. Ben, si tu l'as pas ouvert, ça peut pas encore nécessairement être passé date. Il a pas rentré en contact avec Claire. C'est ça. C'est du popcorn. Okay. C'est pas passé date, du popcorn, dans un sac, j'espère. Ben, pas s'il a pas été ouvert. Ouais, ok. Bon, on verra. Me semble. Mais ça a l'air vraiment bon, vous allez voir, c'est le popcorn Smart Food. Smart Food Temptations, indulgence, tentation. Au chocolat. Au filet de chocolat noir et de framboise. Ah, on dirait de la crème glacée. Ben oui, hein. Non, mais ça a l'air super bon, je trouve. Ça a l'air vraiment très bon. Oui. Donc, on va regarder les renseignements qu'il y a là-dessus. C'est en édition limitée. Limitée tellement que c'est peut-être plus en magasin. La marque de maïs soufflé préférée au Canada, nous dit-on, vous offre une gâterie divine et alléchante pour une durée limitée seulement. Nous avons garni notre maïs soufflé fait de grains entiers à 100% d'un double filet au saveur de riche chocolat noir. Pas juste un filet, deux filets. Et de framboises pour créer une gâterie sucrée-salée absolument délicieuse. Il y a d'autres saveurs. En fait, j'en vois une ici au caramel. Mais ça dit pas, c'est écrit trop petit dessus pour que je vois c'est quoi le reste de la saveur, mais bon, on va dire caramel. Y a pas grand chose d'autre à dire là-dessus, peut-être le fait que c'est du maïs soufflé comme premier ingrédient, enrobage à saveur de framboise, extrait de jus de betterave pour la couleur seulement. Ah. Quand même, hein? Enrobage à saveur de chocolat noir. Donc, qu'est-ce qui va être rouge? Rosé, d'après moi. Ça a l'air rosé. Ouais. Contient des ingrédients du lait et du soya. Voilà. Donc, je te donne le sac, Tania. On dirait les ingrédients d'un milkshake. D'un milkshake, en effet. Ouais, ouais. Ouais. C'est cute. 27 décembre. Moi, je pense que ça va être encore bon. Ben oui. On est rendu le quoi, 12 janvier, c'est même pas genre deux semaines après. Au pire, si vous voyez que lundi... Mais en fait, ça dit fraîcheur garantie. Jusqu'au... T'as raison. Ah. Donc, ça dit pas passé date. C'est vrai. Ça dit juste que peut-être que ça va être moins frais. Fait, peut-être que ça va moins cruncher en termes de popcorn. David, on t'a interrompu. Qu'est-ce que tu disais? Ben, en fait, si lundi, à 7h30, vous n'entendez pas Tania ni Mathieu, vous allez savoir pourquoi. Exactement. C'est sûr. Ah. Toi, David, tu recommences ton émission au camp? Ouais, l'homme total est jeudi 16h. 18h. 18h. Mmh, ça sent bon. Ouais, 16h. Mmh, c'est cute. 16h. Okay. 16h. T'es sûr? Oui. Okay. On dirait que oui. Oui. Tania a réussi à ouvrir le sac. Yeah! Je sais pas pourquoi je viens de sentir mon micro au lieu de sentir le sac. Mais pour en finir, David, tu commences tantôt? Oui. Ok, donc je vais m'en prendre quelques grains de popcorn. Oui. Ça sent vraiment très bon, ça sent vraiment très sucré en passant. On sent pas nécessairement, tu sais, le petit côté salé du popcorn. Ouais. Et en fait, ça a pas l'air salé du tout en termes de popcorn. Ah. Ok. Donc David, je te prête le sac. Ça dit sucré-salé, j'espère que c'est un petit peu salé quand même. Ben j'imagine, parce que tu sais, du popcorn à la base, c'est en terme salé, j'ai goût de dire. Ça sent quelque chose que je mangeais beaucoup durant mon enfance. À vous, hein, ça sent les biscuits avec de la confiture de framboise à l'intérieur. Ouais, les météos, genre? Ouais, genre. Okay. Ouais, c'est vrai. On sent pas nécessairement le chocolat, c'est vraiment l'odeur de la framboise qui est présente, je trouve. Ah oui, je sais à quoi ça me fait penser, c'est des quoi? Espèces de gaufres. Tu sais, les gaufrettes. Oui, les gaufrettes, ça me fait penser à ça. Ça sent exactement ça. Les petites gaufrettes avec la petite gélatine qui était aux fraises ou aux framboises, on sait jamais ce qu'il y avait dedans. Bon, je m'en vais. C'est vrai, ça sent ça. Ouais. Il y avait ce petit côté aussi, quasiment salé, sucré dans ces gaufrettes-là. C'est tellement vrai, David, t'as mis vraiment le doigt dessus. Le doigt dessus, oui. Mais sérieusement, mon enfance est recréée grâce à un morceau de popcorn. Moi, je tiens à dire quand même que les grains sont vraiment tous bien recouverts d'une bonne dose de soit chocolat ou soit framboise. Ils devaient étendre le popcorn sur un tapis roulant puis laisser couler le coulis. Je sais pas, mais tu sais, je m'attendais à ce qu'il y ait des grains qui en aient pas. Non, ils ont... Ah, je viens d'en trouver un. Fallait pas juste ça. Ah. Mais ils ont tous du coulis dessus. On s'y met dans la bouche? OK, oui. Go. Ça goûte exactement comme la gaufrette. Hey, c'est vrai, ça goûte la gaufrette. Pareil. Avec un enrobage de chocolat, là, c'est le fun parce que l'enrobage de chocolat, on sent vraiment la texture. C'est pas juste... Il est noir. C'est pas trop agressant comme goût de chocolat. Donc, mais bon, ça. Une chance que Mathieu, on travaille plus un à côté de l'autre, le sac est en danger. C'est vraiment... Tu sais, tout à l'heure, on parlait de la fraîcheur garantie qui était écrite sur le sac. C'est vraiment juste ça qui semble faire la différence parce qu'on ressent quand même que le popcorn il est dans le sac de peu à bout. Ouais. En même temps, du popcorn en sac, c'est pas l'affaire la plus croustillante au monde d'habitude. Non, c'est vrai. Même dans les dates. Fait que j'approuve. Trouvez-vous que le popcorn n'est pas quand même trop salé? C'est vrai qu'il est un petit peu, Pas tout à fait salé. T'as un bon équilibre. Ouais. Il y a juste des grains blancs. C'est pas t'as normal, du popcorn, tu vas en avoir des grains qui vont être jaunes, non? Non, il y a pas de beurre là-dedans. Il aurait pu peut-être mettre un petit peu plus de sel. Trop? Je sais pas, moi j'aime beaucoup le sucré salé, donc mais ça m'aurait pas dérangé. Quand même un fond salé, je trouve. Moi je trouve que la dose est juste correcte. Ouais. Tu sais, c'est pas agressant, tu peux... Honnêtement, passer au travers du sac vraiment trop rapidement. Facilement, là, j'ai mangé mes morceaux, j'en avais comme une dizaine d'un coup sec, là, sans arrêter. David, même chose, je pense. Hein? Ben, je ziote le sac. De loin. Je peux-tu en avoir d'autres? Je peux-tu en avoir? En théorie, j'aurais terminé de goûter, mais là. Bon, OK. De toute façon, on a des nouvelles à faire. Fait que je vais vous repasser le sac pour que vous divertir pendant que je parle de nouvelles de fast-food. Oui.

J'ai pas eu le choix de me lever et aller prendre. Oui, non. Quelque chose d'autre. C'est dégueulasse. C'est vraiment déplaisant. J'ai recraché le mien. J'ai même pas croqué. J'ai pas réussi à croquer pour le diviser. Ouais. Tu sais, en temps normal, j'aurais pris une petite bouchée, ouais. Je l'aurais avalé, tout ça. Non. Moi, non. C'est encore sur mon bâton. J'ai pu, genre, mâcher sur le bâton et le laisser sur le bâton. J'ai pour croqué l'acheter. Un petit peu, mais rien pour que ça reste dans ma bouche. C'est vraiment déplaisant comme goût. Quelle idée! Qui a eu cette idée-là? C'est incroyable. Je sais pas, mais honnêtement, achetez pas ça, c'est dégueulasse. On rappelle le nom? Gummy Pop, Mangue et Chili. J'en avais vu, honnêtement, dans le temps de l'Halloween, ouais. Dans plusieurs commerces, entre autres Walmart, TGA, Metro, ce genre de choses-là. S'il y a des gens que vous aimez pas, mais que vous voulez leur donner des bonbons pour avoir l'air gentil. Là. Ouais, si, si, ouais, c'est ça. Mais je savais pas que c'était mauvais, ça avait l'air bon, c'est marqué Mangue Chili, miam, miam, miam. J'ai acheté un cadeau. Ouais. Tu sais, la personne que vous détestez le plus au monde, vous lui faites goûter ça. Le goût reste, même malgré la bouchée. Puis honnêtement, je goûte aucunement la mangue, non. Juste le chili désagréable. C'est dégueulasse. Tania, vraiment, là, c'est pas gentil ce que t'as fait. Je suis désolée. T'es les amis de chez... C'est quoi le commanditaire de ça? Zena Esthétique. Ouais, ouais, elle est pas là. C'est une blague. En fait, c'est ma cousine et sa collègue de travail qui ont reçu ça dans les cadeaux, dans ouais. Les bonbons d'Halloween de leurs enfants. C'est horrible de faire ça à des enfants. Ben, c'est que les gens, ils ont pas essayé. Ben, clairement, puis ils pensaient que c'était bon. Hey, c'est dégueulasse. L'intention est bonne, mais l'exécution, ça laisse à désirer pas mal. Oh! Ça reste pogné dans le fond de la gorge. Vous écoutez une édition spéciale d'Assemblage requis sur une grosse pointe adresse. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Vous écoutez une édition spéciale d'Assemblage requis sur une grosse pointe adresse. Avec Tania Baudin et Mathieu Pente. Une grosse pointe adresse. C'est une grosse pointe d'adresse, c'est la clé dans laquelle on goûte un produit du tiroir. C'est-à-dire un produit que je garde dans mon tiroir après l'avoir acheté à la pharmacie, à l'épicerie, au dépanneur, peu importe. Quelque chose de malsain, quelque chose qu'on ne devrait pas se procurer ou que lorsqu'on le mange, on le regrette. Aujourd'hui, Tania, j'ai acheté deux produits récemment pour les prochaines chroniques. On a le temps juste pour un. Donc, tu as le choix entre du sucré ou du épicé. Hey boy! OK, ce matin, je pense que j'ai allé avec... Le sucré. Le sucré. Très bon choix. J'adore. Donc, aujourd'hui, je vous présente Brookside. C'est nouveau, premièrement. La nouvelle saveur. On connaît déjà leurs fruits enrobés de chocolat, Brookside. Donc, cette fois-ci, c'est arôme de cépage chardonnay et de pêche au chocolat noir. C'est au vin? C'est au vin, Tania. C'est le fun, hein? Yes! J'y avais pas goûté encore, honnêtement. Puis ça m'intriguait vraiment beaucoup. Cépage chardonnay, en anglais on dit chardonnay grape, donc c'est les raisins utilisés pour faire le vin chardonnay, et de pêche au chocolat noir, donc vraiment les trois saveurs en même temps. Centre aromatisé de fruits enrobés de chocolat noir onctueux, en sac de 180 grammes. Donc les chocolatiers Brookside ont marié ingénieusement, dit-il, des arômes fascinants inspirés de vin et de spiritueux pour créer le chocolat par excellence. Les centres moelleux et sucrés sont enrobés de chocolat noir onctueux, un autre accord parfait des chocolats Brookside. Brookside à découvrir. Les ingrédients, donc chocolat noir, bien sûr, en premier quand même. Sucre, concentré de jus de fruits, cépage chardonnay, pêche et jus de citron. Sirop de maïs, concentré déionisé de jus de pomme, maltodextrine, arôme naturel, pectine et le reste, c'est des trucs bon, qui ont des noms un peu moins intéressants. Pas grand chose d'autre. BrooksideChocolate.com. Le sac est refermable, mais c'est à peu près tout ce que je vois. Sinon, ça a l'air d'être un petit peu comme des genres de jelly beans ou des Raisinets. Ouais. Les Raisinets, ça ressemble pas mal à ça, mais en plus fancy. C'est tout nouveau, donc on essaie ça. Tania, je te transfère le sac. Sweep. Voilà. Notre micro magique qui nous attend toujours pendant les 7 jours qui précèdent la chronique. Ouh, ça m'excite tout ça. Il est excité, il est excité. Je suis vraiment très excitée. Je voulais vraiment l'essayer en plus. Ah, il y en a avec le vin rouge. Hein. Je sais pas si je sais pas. Non. Ça s'ouvre assez facilement, merci. Il y en a-tu pas mal, oui? Ouais, quand même. On aime ça, sac refermable, comme ben oui, ça? Ben oui, c'est sûr. Je vais m'en prendre deux, si tu me le permets. Ben oui, je te permets, Merci. Puis je vais te prêter le sac. Je vais essayer de le fermer. Ah oui, OK, cool. Comme ça, je vais pouvoir le rouvrir et voir si c'est vrai que c'est facile à ouvrir et fermer. Oui, je tiens à dire que le mien était déjà ouvert, par contre. Ah, il était ouvert avant de... Ah, je comprends, oui. La fermeture éclair vient ouverte, pré-ouverte. C'est ça, pré-ouverte. Au lieu d'avoir deux étapes. Comme... Non, je me l'ai dit. Moins compliqué qu'un condom. C'est ça que ça veut dire? Non, zéro. Vous avez aucune idée. Donc, pour la grosseur, c'est ça. C'est pas mal vraiment comme des... Ben, c'est un petit peu ça plus gros. Ça ressemble à des glosettes. Ah, c'est ça. J'ai dit des raisinettes tantôt. Des glosettes, c'est... Des raisinettes. Je sais pas, je pense même... C'est le petit frère de Frésinette. Mais je pense qu'au... C'est peut-être que... Attends un peu. Là, j'en ai pris un, mais je veux faire des recherches, là, genre juste une main. Attends, j'y vais. Raisinette. Non, Frésinette, il me semble, genre... Hey, non, ça existe des raisinettes. C'est ça, hein? Raisinettes. Ouais. C'est le nom américain, c'est la même chose. C'est Nestlé qui fait ça. Nous, au Québec, les glosettes, c'est fait par qui? Je sais pas. Glosettes. Glosettes. C'est Hershey. Tu vois, donc Raisinette, c'est chez Nestlé et Glosette chez Hershey. Voilà. Problème réglé. Est-ce qu'on est prêt à goûter? Moi, on est oui. Tellement prêt. Ça a pas l'air de trop coller sur les doigts, hein. Le chocolat noir n'a pas l'air de fondre. Bon? Est-ce que tu. Ça sent évidemment le chocolat noir. Vraiment. Faut que tu apprécies le chocolat noir. J'apprécie énormément. J'adore le chocolat noir. C'est genre mon best chocolat ever. Mais on ressent quand même ce petit côté chardonnay, là. Un petit peu. Mais le chocolat noir prime, je pense, ouais. sur le reste. Ok, t'es prêt? On y va? Est-ce qu'on le suce avant ou on le croque? Moi, j'en ai pris deux pour faire la différence. Fait que je pense que je vais commencer en croquant. OK. Puis l'autre... Allons-y. OK. La pêche, on dirait. Mm-hmm. C'est drôle. Ça sent plus le chocolat noir, mais ça goûte plus la pêche à la première impression. Oh! C'est beaucoup de pêche pour moi. Je goûte pas tant de chardonnay à date. Un éclat de pêche très rafraîchissant pour du chocolat. T'as pas une nana. Vraiment beaucoup. Déjà en partant, le vin blanc, c'est assez subtil comme goût comparé à du chocolat noir. Effectivement. Mais t'as un petit... Une fois que ça descend là, dans la gorge, là, on dirait que tu le goûtes un petit peu. Ouais, tu goûtes un petit peu, tu sais, la même faim qu'un chardonnay va te donner. Ouais. Non, ça se mange tout seul, ça. Dit-il, les deux mains dans le sac. Très bon. C'est comme des glosettes fancy. Ouais. Y a pas grand-chose à dire d'autre que ça. C'est très juteux, hein? Oui. On dirait que j'en ai partout dans la bouche, là. Je parle puis j'ai de la bave partout. Ouais. Nom, nom, nom, nom, nom. J'adore. Quand tu croques dedans et tu y vas pour la petite gelée qu'il y a à l'intérieur, on goûte un petit peu plus à la chardonnay. Mm-hmm. C'est bon, j'aime ça. J'adore. Mais 2 pouces en l'air. 2 pouces en l'air. C'est sûr que c'est beaucoup plus cher que des glosettes. C'est sûr. Mais pour satisfaire le petit goût qui est vraiment particulier, et qui, comme je disais, est très, très rafraîchissant. Ça goûte un peu comme un cocktail. Mm-hmm. Oui, vraiment. Mm. Ça me fait passer un petit peu à une sangria blanche d'été. Mm-hmm. Ouais, un petit cooler à la pêche. Chose comme ça. Délicieux. Très, très bon. Ouais, c'est parmi les, je pense, les meilleurs produits que j'ai goûtés. Mm-hmm. À la chronique. Miam. Donc, c'est Brookside. Arôme de cépage chardonnay et de pêche chocolat noir. C'est le moment d'accueillir notre directeur général, Jean-Philippe Charbonneau. Bonjour, bloup, bloup, bloup. C'est parce que je sors du café. Ça doit être ça. Oui, c'est ça. C'est ça, le petit rond, là. On a aussi David Ferron avec nous. Salut. Salut. Tout le monde ensemble, on va se faire une grosse pointe en dresse. Wow! C'est une grosse pointe tendresse, c'est la chronique qu'on goûte. On goûte à un produit du tiroir, oui, un produit acheté en épicerie, en pharmacie, ou fait à la main peut-être même. Probablement, moi je regarde ce qu'il y a autour du studio, là, puis d'après moi ça se passe à la main cette affaire-là. Pour la première fois à la radio jusqu'à maintenant dans Assemblage Rocky, on a un invité pour une grosse pointe tendresse qui va être là de façon régulière à toutes les 3 semaines selon la promesse. Oui, exactement. Exactement. Jusqu'à maintenant, je tiens promesse, ça c'est la première. 100% à l'âge 100% des gens ont réussi, j'ai réussi. Donc, Jean-Philippe Charbonneau. David Ferron qui est là, mais qui d'habitude vient quand on l'appelle, genre en criant David! C'est pas mal ce qui est arrivé à matin. Surtout que mon bureau a changé de place, alors vous devez en crier encore plus fort et faire des signaux de fumée. Tellement, mais ça se rend. Ouais. J'ai une voix portante, fait que c'est correct. En fait, c'est que mon estomac a de très bons tympans.

Mais je vais y aller avec l'autre. Tu veux garder ça pour une autre fois quand tu vas avoir plus faim? Hein? Ben non, j'ai quand même vraiment très faim pareil. Sauf que, je sais pas, ça m'a titillé ton affaire. Piquant épicé? Ouais. Bon. Donc aujourd'hui, on va goûter un produit de la marque Quintaro. Ce sont des bouchées aux noix, piquants et épicés, donc en format bite size, donc des bouchées, là, c'est vraiment ça. Donc c'est des bouchées aux amandes, noix de cajou, graines de sésame blanche et assaisonnement épicé. Ça devrait être bon. Ça devrait être très bon. Sans gluten, c'est végétalien. OK. On aime beaucoup végétalien. On a parlé tantôt du sandwich végétalien de la chasse, le BLT, qui est excellent. Sans produits laitiers, parfait pour moi. Toi aussi, mais... Oui, c'est excellent, ça. Tu dis que t'es intolérant au lactose et t'arrêtes pas de boire plein d'affaires qui ont rapport avec le lait, non? Genre quoi? Qu'est-ce que t'as pris l'autre fois qui était vraiment très laiteux? Hein? Un latte? Chose comme ça? Non? Je me rappelle pas, mais il me semble, en tout cas. Tu parles du chocolat chaud que j'ai demandé. Oui. Qui est fait ici à la charcuterie avec du lait de chocolat déjà en partant. Ouais, qui est du lait. Ils n'ont pas de lait soya au chocolat à l'intérieur. Sauf que ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à la fille de mettre juste un peu de lait au chocolat et beaucoup de lait de soya. Ah, tu vois, ça goûtait quand même beaucoup le chocolat. Ouais. Sauf que j'avais beaucoup moins de lactose grâce à mon lait de soya qui venait équilibré. Moi, c'est bizarre. Tu sais, je bois du Oasis Solution là, aux fruits tous les matins. J'aime bien ça. Ça me bourre un petit peu quand même, pas trop. Mais j'ai essayé les Boosts aussi. Boost, je me suis renseigné sur Internet. Ça disait que c'était parfait pour les gens qui étaient intolérants au lactose. Mais ça contient genre 0,5 g de lait. Ouais. Et ça me fait mal au ventre aussi. Ah. Ça me prend vraiment presque rien pour avoir mal. Mais t'as pas des médicaments? Oui, des probiotiques. Mais je vais en magasiner d'autres. Je te parle des médicaments pour le lactose. Ah oui, mais là, ça me coûterait vraiment cher si je prenais ça à chaque fois que je buvais ou. Ouais, je sais, mais tu sais, en théorie. En théorie, ce serait à moi. En théorie, il faut. Ouais, je sais. Ouais, parce que ça va me faire mal. Ça pourrait détruire mon intérieur d'estomac. Ben, c'est parce que, oui, moi, je faisais ça pendant un bout. Ouais, je me foutais un peu des médicaments. Pour lactose. Je suis le même. Je suis le même aussi. Ah, faut prendre soin de soi. Bref, ça pour dire que ce produit est donc... Ça pour dire qu'on va manger épicé. Épicé, mais sans produits laitiers, végétaliens, sans gluten. C'est sans cholestérol aussi. C'est sans gras trans, sans agent de conservation et sans additifs. On adore ça. Il y a rien là-dedans. OK, mais non, mais c'est parce que c'est pur. Très, très, très pur. Leur nom en anglais au Quintaro bouché aux noix, c'est Nut Clusters. Et leur slogan est Go Nuts for Quintaro Clusters. Comme dans Virer fou, mais nuts, c'est un jeu de mots avec noix. On adore ça. En français, c'est « Devenez dingue pour les bouchers Quintaro », c'est très, très français. Donc, les ingrédients sont très simples, il y en a trois. Il y a amande tranchée, 30%. Amande hachée, 23%. Noix de cajou à 16%. Graines de sésame blanche à 16%. Le reste, c'est des assaisonnements épicés, assaisonnements au chili, sucre de canne brute, sirop de glucose, huile de son de riz raffinée, sel de mer et vitamine E naturelle. Pour les allergies, ça dit de bien vouloir vous référer aux ingrédients en caractère gras pour les allergies, donc amande, noix de cajou et graines de sésame. Ça convient pas aux personnes allergiques aux noix, je pense qu'à un moment donné. On a compris. Faut quand même pas nous l'expliquer mille fois. Donc, boucher aux amandes, noix de cajou, graines de sésame blanche et assaisonnement épicé, c'est pas mal tout ce qu'il y a à savoir. Ça dit que pour la date meilleure avant, voir ci-dessous, et conserver dans un endroit frais et sec, une fois ouvert, conserver dans un contenant hermétique, parce que ça contient un absorbeur d'oxygène à ne pas consommer. Dans l'intérieur du sac, on va avoir un petit sac comme dans les produits électroniques. C'est une petite pochette qui ressemble à du sel. Ne pas consommer ça. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'air dans le sac. Je vais te le passer, tu me diras ce que t'en penses, mais c'est vraiment plein d'air et je brasse un peu et il y a quasiment rien sous mes doigts dans le sac. Bien. Donc, je te donne ça. Attention. Floup! Les bouchées Quintaro. Bouchées aux noix. Il va y avoir genre deux bouchées dedans. Ben, j'ai pas l'impression qu'il va en avoir plus qu'une 10-15. Ouais, non, je pense pas. Ouais. Donc, transition au micro magique. Que j'y vais. Oh, OK. C'est pas refermable, hein, tu savais? Non, mais il y a tellement pas dedans. Tu t'es mangé tout ce matin. Oh, ça sent bon! Épicé? Ben, je dirais non! Non! Je trouve que ça sent un petit peu le riz. Ben ouais. Des graines de sésame, peut-être que ça ben, sent... Ben, mettons les Rice Krispies. OK. Je trouve que ça sent ça un peu. Moi, j'aime bien cette odeur-là, quand même. Je vais m'en prendre juste un. Est-ce que c'est tout petit? C'est tout petit, hein? C'est quand même tout petit. C'est comme des petites galettes. Oui, exact. On dirait des galettes Crispy Minis, mais encore plus minis. Ça sent quand même les arachides. OK. Est-ce que t'avais dit qu'il y avait des arachides, des amandes? Non, juste des amandes. Amandes hachées, noix de cajou, par exemple. Ouais. Ça sent, là, tu sais, t'as l'impression que c'est thaï un petit peu, là. Thaï, mais tu sens pas le piqué. Le piquant. Le piquant. Le piqué. Le piqué. Tu sens pas le piqué? J'ai pas réussi à le piquer. J'ai acheté. Ah, tu sais, les piqués à l'hôpital, non? Okay. Les piqués comme le drap, là? Ouais, c'est ça. Ah, ouais. T'as fait le pipi, tu sais? mais, moi, je te dirais que Ça pourrait être bon avec une soupe thaï. Ah, miam. Ok, je te oui. redonne ça avant de siffler au grand complet, là. Merci. J'ai retourné à mon micro. Oui, voilà. Je te rallume ça, merci. Donc, goûtons. C'est sûr que, tu sais, c'est orange. Oui. Automatiquement, t'as dit que c'était quand même un peu épicé et piquant. Donc, la couleur va avec ce que c'est censé être. C'est vrai que ça sent très juste la pinotte, là, ouais. Ça sent la pinotte, ça sent sucré, je trouve. Ça sent les... ben, peut-être un peu, mais ça sent les arachides au barbecue, non? Ah, ouais, un peu. Ouais, pas fou. T'es prêt? Ouais. Est-ce que tu y vas d'un coup ou tu y vas en boucher? C'est tellement tout petit. On dirait une, je sais pas, une corde de lapin. J'ai peur que ça soit vraiment trop épicé, genre pour le prendre en un coup pour moi. Le mais... goût me dit que okay, non. Je vais l'essayer. Je vais l'essayer. Okay, on y va, 3, 2, 1. Miam. Quand tu croques dedans, c'est peut-être meilleur, mais là, je veux pas le croquer, ça goûte rien. Non, attends. Ça sent bien, c'est papilles. Ouh! Mmh. OK. J'ai pas encore le piquant. J'ai pas du tout le piquant du tout. Ben moi je l'ai. Peut-être. C'est bizarre. Nos bouches sont différentes, hein. Ben toi tu manges déjà à la base pas mal épicé. Sacrifice. Ah oui, pour vrai? Toi tu manges quand même déjà épicé. Je te vais prendre ta bouteille d'eau. Je vais en prendre une autre des fois que c'est peut-être juste moi c'est qui ai dérivé. C'est peut-être parce que tes papilles gustatives sont déjà trop habituées à ce genre de saveur. Il y a un petit quelque chose dans le fond de la gorge, mais. Tu sais, Mathieu, il met de la sriracha sur tout, là. Ouais. Moi je trouve ça fade un peu. Moi, je trouve ça excellent. Je trouve ça juste assez épicé. Juste assez piquant. Tu sais, genre, je pourrais passer au travers de ça. Ah, ben là, pour vrai, là, OK, on a mangé avec quoi? Avec une bouteille d'eau. J'en ai mangé deux, t'en as mangé un. Ouais. Il en reste un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Donc, il y en avait 11. C'est vraiment rien. J'avais dit une dizaine pour au feeling. Pour combien? Je me rappelle pas du prix. Je regarde jamais les prix, je suis de même. Ouais. Mais c'est un sac de 50 grammes. C'est disponible en épicerie. Vous allez sûrement les voir, ils sont souvent sur les fins de rangée, accrochés à des petits crochets ou des pinces. C'est des trucs là, d'achat par impulsion, là, genre. C'est supposé être probablement, genre, j'imagine, 3$ à peu près. Probablement. C'est excellent, par contre, j'aime bien. C'est bon, moi, un pouce en l'air. Moi aussi, pouce en l'air, même si c'est ça, je trouve pas ça assez épicé pour quelque chose qui est marqué que c'est piquant et épicé. Moi, tu mets les deux mots, piquant et épicé. T'as l'impression que ça va être genre inferno. Ben, c'est ça, t'sais. OK. Ça, c'est juste genre, bon, t'sais, c'est piquant. Ouais, mais juste là, c'est bon. Bref, 2 pouces en l'air pour les Kintaro oui. Bouchées aux noix, nut clusters, avec le petit mot bouché, piquant et épicé. Une grosse pointe en l'air, c'est la chronique dans laquelle on mange un produit du tiroir, c'est-à-dire un produit acheté en épicerie, en pharmacie, en dépanneur, quelque chose de malsain dans une rangée là, qu'on devrait pas trop fréquenter, parce qu'on pourrait être victime d'une attaque cardiaque, je sais pas trop quoi, si on y passe trop de temps, je pense. Ça devrait ça. Bref. Il faudrait que j'adore le jeu de mots en terroir puis tiroir. Moi aussi, là, c'est incroyable. Pourquoi produit du tiroir? C'est parce que c'est le produit qui se retrouve dans mon tiroir mais de les, bureau. C'est ça, les jeux de mots sont tout le temps, ils viennent tout le temps de Mathieu, en fait. Pas mal. Est-ce que t'es en train de faire un live ou tu filmes? Ouais, ben, je suis en train de faire un snap, en fait. Snap. OK. Personne fait de live en ce moment. Vous savez que c'est rendu à la mode de faire des lives pendant qu'on fait de la radio. Ben oui, on a inauguré ça, c'est vrai, justement dans cette chronique-là. Oui, dans l'émission spéciale. J'ai encore mal au cœur. C'est vrai, j'ai vu beaucoup d'animateurs de C'est fou commencer à faire des lives et j'aime ça. C'est le fun. Bref, et aujourd'hui, David, qui est resté avec nous, m'a demandé... Tantôt, quand je suis allé chercher mon produit, il me dit « C'est quoi le produit? Qu'est-ce qu'on mange? » J'ai dit « Tu peux pas savoir. » Ça fait 2 ans quoi qu'on fait la chronique. On ne dit pas à l'avance c'est quoi. Non. On ne dit pas c'est quoi. David. C'est interdit de savoir à l'avance. C'est quoi l'autre question que tu m'as posée aussi? Tu viens juste de m'apposer. Qu'est-ce que je fais avec le micro? Oui, le micro magique. J'ai dit « David, est-ce que tu as déjà écouté l'émission? On a un micro magique qui ouvre les produits. » On dirait que c'est comme la première fois que tu viens dans l'émission. C'est incroyable. Je vais juste garder un air naïf pour rendre la chronique encore plus savoureuse. Tu réussis tellement bien à avoir la naïf ou innocent. Puis à bullshitter aussi. C'est ça. Ah, mais ça, on est une équipe de bullshitter. On va se le dire, je sais pas, en tant que président de l'AGE, en tant que rédacteur en chef du campus et en tant que vendeuse de pub, vous devez tous à part égale faire de la bullshit. Donc... Aujourd'hui, le produit que j'ai montré à l'envers, pour pas que vous voyez tout de suite, attention, je vais le virer de bord. Tania a déjà eu un avant-goût il y a quelques semaines parce que j'ai dit un petit indice. Oh oui, oui, oui! Oh oui! Ouh. C'est des chips aux betteraves et patates Miam. Douces. Mais ça a donc bien l'air bon. Je le sais, par la compagnie Terra. Hein? Donc, patates douces et betteraves, croustillées aux légumes véritables, faibles en sodium. On remarque aussi que c'est sans gluten. Oh, on aime ça, quand même. Elles sont bonnes jusqu'en avril. OK. Et il y a même, attention, là, ça c'est spécial. Tu sais, d'habitude, t'as comme un zipper ou un ziploc pour le fermer. À la place, eux, t'as une encoche facilitant l'ouverture. Ah, d'accord. Donc, pour toi, Tania, sache qu'il y a une encoche. pour ouvrir le sac. Oui, parce que moi, puis les sacs de chips en temps normal, là, pas sûr. Hein. Ça fait comme 12. Lisons la petite biographie à l'arrière du sac. Donc, depuis toujours, les croustilles Terra sont une variété populaire. Ah ben ça, tu vois, j'avais jamais entendu parler de Terra. Moi non plus. De légumes racines cuits à la perfection. Pour créer nos croustilles patates douces et betteraves Terra, nous avons combiné la délectable saveur de la patate douce à un autre délice sucré des légumes de la terre, la savoureuse betterave à la couleur si vive. Dès que vous ouvrez un nouveau sac, ces croustilles patates douces et betteraves offrent une collation croquante mémorable d'une couleur et d'une saveur incomparables. Donc, on parle de patates douces, et là, il y a même des petites descriptions de chaque ingrédient. Donc, patates douces, c'est une variété particulière d'Ipomoea. Mm-hmm. I-P-O-M-O-E-A. Batatas. Ipomoea batatas. Présente une glorieuse couleur orangée de fin d'été. Tout le monde répète après moi. Oui, batatas. Ipomoea batatas. Attends, répète. Ipomoea batatas. Ipomoea batatas. Fais donc encore la danse. Pour nos auditeurs. Ipomea batatas. Que c'est maudit. Ouais, on dirait vraiment la toune dans Le Roi Lion. Je suis pas capable de chanter cette toune. Et pour les betteraves, légumes racines bisannuels. J'ai pensé à quelque chose par exemple. C'est Ipomea batatas. Il y en a plein des chansons. Wow. Bref, légumes racines bisannuels. On dirait quelqu'un qui est genre un fuck friend, mais juste une fois par année. Ah, on va recommencer dans le breadcrumbing. Bon appétit. Oh mon dieu. Légumes racines bisannuelles d'une belle couleur rouge vif. La betterave offre un côté sucré tout naturel, généralement cultivé en saison froide. Elle est cuite chez nous à la perfection. Donc les ingrédients de ces chips patates douces et betteraves sont 2 points. Patates douces, betteraves, huile de canola et ou huile de cartame et ou huile de tournesol. C'est fait d'ingrédients non génétiquement modifiés. C'est importé par Hain Celestial Canada de Toronto. Donc voilà, j'ai pas mal lu tout ce qu'il y avait à lire sur les chips Terra, croustilles aux légumes véritables, patates douces et betteraves. Tania, je te transfère le sac pour ouverture dans l'éventuel micro magique. Si ils sortent tout scrap, c'est de la faute à Mathieu, c'est parce qu'il a pitché le sac. Ouais, vous avez vu. Clairement. Hey, je tiens à dire que je me doutais pas en tout des deux premiers ingrédients sur le sac. Non! Ok, tu m'as dit une petite encoche. Oui, un encoche. Cherche l'encoche. À la recherche de l'encoche. Mais où se cache l'encoche de Carmen Sandiego? Il n'y a pas d'encoche. Il n'y a pas d'encoche. C'est sûr, il n'y a pas d'encoche. Un crayon. Stab, ah oui, poignarde le sac. C'est ça, c'est ça, qui criait, by the way. À place d'avoir du rouge, on a du mauve partout qu'on met à terre. Oh, ça sent bon. Oh! Est-ce qu'on peut... Oh, ça sent très bon. Je vais vous brasser ça dans le mic. Montre l'intérieur du sac à David qui est le Facebook Live. Est-ce qu'on a l'odorama sur le téléphone? Non, pas encore. Malheureusement, non. Ok, là, on a zoomer, vu l'intérieur, ouais. Il y a vraiment des litres 4 secondes. Je vais secondes, prendre hein, une de chaque, ah, là, mettons. Une de chaque? Ils sont pas patates douces et mais non, il y a betterave et patates douces. Ah. Mais si tu veux mon impression, je vais le brasser, voir. Mais il semble y avoir plus de patates douces que de betteraves. Ok. Donc, je le prête à Alex. Donc, on en prend, là? Ben oui, bref. Une betterave. Une patate douce. Ils sont foncés. Alex, il a faim, on tient à le rappeler, oui. Fait que lui, il prend en la moitié. Plus de... On rappelle que David, après chaque chronique, après chaque émission, David revient. Puis, je peux-tu en prendre d'autres? Ben oui, c'est laisser. Sûr. Tout le temps. Quand elle laisse dans sa table. Il y a genre une betterave, 12 patates douces. Je vais y voler une patate douce, tu sais. Merci, merci. Oui, David? Je tiens à dire qu'Alex fait de l'outrage parce que devinez où sont les chips de Alex? Sur une maquette zone campus. Ah ben, c'est pas Alex. Non, c'est pas ce que vous pensez. Alex. Comme si un journal t'achetait pas déjà assez, il faut mettre de la betterave dessus. Hein. Hey, on a pas pensé imprimer avec de l'encre de betterave le journal zone campus pour être plus écologique. On aurait pu. Un coup parti, en plus, il serait mangeable. Ah, bien. C'est fini de lire ton journal, tu le manges. C'est ça le futur, là. Est-ce que vous allez goûter les deux ensemble ou individuellement? Est-ce qu'on fait une à la fois, puis après ça, les deux ensemble? Je suis tellement d'accord avec toi, Mathieu. Je pense que je vais détruire un petit peu ma. Voilà, j'ai deux parties de betterave, enfin, comme ça je vais pouvoir faire les deux. Les chips s'appellent patates douces et betteraves, on va donc commencer par les patates douces, ok? Ça vous dérange plus? Non. Patates douces. On y va avec l'odeur pour commencer. Ça sent la patate douce. Ah, ouais, mais ben, ça sent le gras vraiment. Ça sent vraiment le gras. Pour fait. Des patates chips aux légumes, ça sent vraiment le gras. Ben, ça sent un peu la patate douce. Mais ça a l'air d'être cuit dans l'huile, ça. Oui, c'est... huile de canola ou cartame et autres, huile de tournesol. En fait, ça sent les frites de patates douces de chez AEW. Oh, miam. Ah, oui. Oh. Mais ça manque la petite trempette qui est excellente chez AEW. Oh, oui. Ok, on mange. Ok, on y va. Gomme sur la gueule de Tania. Ça goûte vraiment comme les patates douces, mais croustillantes. Exact. C'est génial, ça. OK, c'est bon. Très bon. OK. Betterave? Non, betterave. Mmh, odeur? Tu vois, ça sent pas vraiment la betterave. Ça sent non. pas grand-chose, en ça fait. Ça sent aussi le gras. Ça sent absolument rien. Ça sent le gras. Ouais. OK. Fait qu'on y va? On goûte. Mmh. Oh, wow! Oh! Beaucoup pas plus ça. Goûteux que la patate douce. Mais c'est très bon, j'aime pas tant les betteraves. Puis, Ah, moi j'adore les betteraves. Ça punch, j'aime ça, c'est vraiment très juteux comme chips. On dirait que la salive vient comme se mélanger avec. Je trouve que le goût est meilleur que celui de la patate douce, mais je vais tester les deux ensemble. Ok, oui, les deux ensemble. Allons-y avec les autres. Ça va être ben trop gros, ça rentre pas dans ma bouche. David a vraiment de la misère à parler et filmer en même temps, c'est vrai. Ouais, je sais, il fait juste me filmer, genre. J'aime Alex aussi. Et pas parler dans son micro. Les deux en même temps? Oui, en même temps. J'ai essayé les deux en même temps, mais là, ça rentre pas. Sandwich. Ah, ok, go. Mais c'est délicieux. Je m'attendais vraiment à rien que ça, mais c'est super bon. Ouais. C'est vrai, ça. En plus, c'est pas trop salé, tu sais. Non, vraiment pas. On est plus dans le sucre que dans le salé. Pas trop mal non plus. Non. Mettre dur en bouche. C'est pas agressant. Non. Ça se mange vite, bien. Je pense que le sac passerait assez rapidement. Ça n'a pas un goût trop persistant non plus, désagréable. C'est vrai. Petite affaire sucrée dans le bout, légèrement acide. C'est vrai. Je préfère la combinaison des deux ensemble qu'individuelle, par exemple. Je me demande si c'est pas pour ça qu'ils ont mis ensemble, justement, parce que c'est des deux saveurs qui vont bien ensemble. Je sais pas pourquoi, patate douce et betterave. J'ai combinaison gagnante. Lui, il est comme David qui fait un immense backup sur moi. Mais David, c'est un réalisateur né, je pense. Ah, il a ça dans le sang. Il sait comment cadrer, zoomer, faire des smash tout ça, cuts. Tout ça avec un timing incroyable. C'est ça, c'est exactement. C'est la bouche pleine, ce qu'il y a de mieux. Mais c'est, ce qui me surprend quand même, c'est qu'il a réussi à laisser les chips sur la table. Il a même pas goûté encore. T'as rien goûté? Ouais, j'ai goûté. Okay, t'as goûté? Ouais, j'ai goûté. Mais t'as réussi à résister à la tentation de tout manger en même temps? Oui, parce que je tiens un téléphone dans les mains. Oui, il faudrait pas l'échapper par terre, ça vaut cher. Le téléphone ou les chips? Les chips! J'avoue! Mais toi, la règle des 5 secondes pour ton téléphone, est-ce que ça tient? Je le mangerai quand même. Il pas son téléphone s'il est tombé. Je vais le manger quand même, moi, c'est ça. Hey, je sais pas si ça me tente, mais j'ai goût d'essayer quelque chose. Parce que je suis en train de regarder live sur mon téléphone. Ouais. On essaie-tu un téléphone-ception? Un téléphone devant, genre. Puis on regarde qu'est-ce qui se produit. Ok, attends. Ça t'écœurant. Parce que j'ai présentement le live sur mon ordinateur ici. Il va filmer le téléphone qui filme le téléphone qui va filmer l'écran, c'est ça? Ouais. Dirige-toi vers l'écran, non? Ben, je sais pas, il y a un délai en. Il y a vraiment un délai par contre. Tantôt c'était 4 secondes, mais là, je pense qu'on est pas mal dans 10 secondes. Mais David a l'air vraiment subjugué par ce qu'il voit présentement. Ah, mais David, c'est comme un chat. Hein. Si okay, il okay. fait des mouvements de même, il va. Je suis rendu à Alex qui dit qu'il veut faire une Inception. Oh, oui, c'est impressionnant, ça sent bien. Oh! Est-ce que t'entends le son en plus? Non. Non, ok. Wow. Là, c'est un test qu'on fait. Oh my god! À la radio, c'est plus ou moins bon. Parce qu'il y a vraiment un délai. Ouais. Mais genre partout, pis ça arrête pas. Genre, y a-t-il une fin à ça ou. Je pense pas. Y a comme Alex qui vire le téléphone. Pis là, t'as un autre Alex qui vire le téléphone. À cause du délai, c'est vraiment un peu bizarre. Oh my god. Okay, mais si vous êtes chanceux, un là. Un univers parallèle. C'est sur le Facebook de David. Ok, je vais essayer quelque chose, ok? Ça va être encore mieux. Le test va finir c'est avec sur le ça. Facebook d'Assemblage Ricky, ouais, en ouais. fait. Je vais partir le play du Facebook Live sur l'ordinateur. Oh mon dieu. C'est sur le Facebook de David. Ok, okay. Chose, là, on parle. Ça va être le Facebook le live en ondes de nous autres qui parle. C'est notre nouveau background. Oh, tabarouette. Okay. C'est un peu bizarre. Oh mon dieu. Oh mon dieu! Là, Alex fait. Sur mon téléphone, David, on a eu du feedback. David, il filme genre l'écran d'ordinateur. Ce qui est particulièrement le fun, c'est que le Facebook Live est regardé par les trois personnes qui regardent dans le studio en ce moment. C'est parfait! Avoue, hein, il y a juste nous qui sommes en nombre. C'est ça qu'on appelle du crossard. Ouais, et voilà. On est rendu 4! Il y a quelqu'un qui est de l'expert. Oh, on remercie cette personne-là. On est 4 de voir c'est qui? Non, je sais pas. Mais tout à l'heure, il y avait Xavier McLeish qui a liké, fait que c'est peut-être Xavier qui est revenu. Ah ben. Mais là, on est retourné à 3. Ouais, ben, j'ai quitté. Ah, OK. Bref, c'était bien le fun. Merci, David Ferron. Ben, merci de m'avoir invité. Et merci, Alex Marchand. Merci pour les chips. Ça fait plaisir. Le reste de la Alex avait faim, hein. J'ai pas déjeuné encore. Ah, c'est dur, la vie de président de la Jeuctère. Une grosse boîte tendresse, c'est la chronique où on goûte un produit du tiroir, acheté des fois en épicerie, des fois en magasin, sauf qu'aux trois semaines, notre directeur général arrive et à la place de prendre des produits dans mon tiroir, Il prend dans le sien. Il prend dans le sien. Je sais pas. Ça dépend des fois. Il nous amène des trucs qu'il cuisine, peut-être. C'est vrai. Qu'il achète, je sais pas. Ça sera des surprises. On va y aller un à la fois, puisque la dernière fois, j'avais apporté un peu trop de matériel à manger. Mais c'était donc, la première fois, tu t'étais gâté. Exactement. Donc, on s'ajuste de fois en fois. C'est la deuxième chronique. Donc, on a même des restes, en fait, de ce qu'on n'avait pas mangé la dernière fois. Et je commencerai dans le blé, en fait, avec un dans reste. Dans le blé, okay, juste dans le blé. Blé. C'est bien. Dans oui, le blé. L'amour est dans le blé. Clairement. Oui, et dans les pis. Donc, voilà. Ça va de mal en pis. Oui, ça Ah, ouais. Mon Dieu. Là, j'essayais de faire quelque chose avec maïs, mais ça venait ça pas. Maïs, ça venait pas. Ça venait pas. Donc, parlant de maïs, la dernière fois qu'on s'est vu, on n'était pas très loin du Super Bowl. C'est vrai. Et puis, j'avais amené un sac de chips. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je me souviens plus exactement. C'était la viande fumée, mais c'est ça, exactement. Je voulais pas vendre de punch parce que là, je me souviens plus c'est lequel des deux qui me reste. Oh non. J'avais ramené le même tellement qu'il y a trois semaines, ça ne rappelle plus. Ah, ben c'est des miettes finalement que j'ai. Donc, j'y vais tout de suite avec le premier. Ben, le premier item qu'on aura aujourd'hui. Donc je le déballe comme ça. Donc c'est la même marque Ridgies. Donc c'est au lieu d'être smoked meat, maintenant on mange plus des chips au bacon cheeseburger. Oh my god. Donc mini hamburger au fromage et bacon. Des sliders comme en entrée des fois dans les restaurants. Exactement. Donc c'est exactement l'image qu'on a sur le sac finalement. Donc, je suis prêt. Ah, t'es prêt. Et c'est des double notch en plus, deux fois plus ondulé, donc deux fois plus croquante. Exactement, vous en parliez tantôt, donc c'est ondulé. Génial. Donc, on va ouvrir ça dans le micro magique. Pour l'instant, ça sent les chips assaisonnés. OK, bon, ben, ça commence bien parce qu'on aime ça. En tout cas, moi, j'aime ça. Attends, je vais m'en verser un petit peu. Là. Je pense que c'est ici. Est-ce que t'as senti, Mathieu? Ou tu t'en es juste pris? Ça sent... C'est vrai que ça... Tu sens comme... L'assaisonné. L'assaisonné, mais un petit peu genre... pas le brûlé, mais je sais pas si c'est la boulette ou le fromage qui sort en premier, mais... Il y a comme une vraie odeur la boulette ou le fromage qui sort non, c'est vrai. Tania, je te laisse te servir. Ah, merci. Je dirais le bout calciné un petit peu de la boulette, là. Sur le grill. Ouais, c'est ça. Un peu de fumée, peut-être. Ça, peut-être un petit bout de fumée ajouté... Je vais essayer de ne pas faire tomber tout le sac sur ma petite feuille. Voyons. Oh boy! Ils ont pas l'air si tant plus épais. Je voulais pas en prendre 1000, puis finalement j'en ai pris 1000. Je pensais qu'elle allait être vraiment comme ondulée avec des grosses vagues. C'est comme, vrai. C'est des petites chips, en fait, je trouve. La plus petite en mes mains présentes. La plus petite et la plus intacte, en fait, parce que d'habitude, quand c'est gros comme ça, c'est des miettes. C'est exact. Donc, des chips. Sur la photo en avant, ils ont l'air énormes. C'est oui, vrai. Vraiment. En fait, ils ont l'air aussi grosses que les petits burgers qui sont à côté. Ben, est-ce que c'est marqué genre c'est suggestion de service? Grosseur suggérée. Non, mais c'est marqué saveur simulée. Oh. Ah, donc il n'y a pas de vraie boulette et pas de vrai fromage. Non. Et donc, ni de vrai bacon. Non. Je me laisserai tenter à l'instant. Allons-y, tout le monde. Pour une première. Oh my god. C'est super bon, mais. Je sais pas si j'irais dire que c'est petit hamburger. Fromage, bacon et viande. Là. Est-ce que vous goûtez le cornichon? Ah, pour vrai? Ah oui, un petit peu. Ou bien c'est juste le fait que je me suis brossé les dents. Non, ça goûte le pickle. Y a-tu des pickles? Il est supposé? Je suis sûr qu'il y a des pickles. Je dois avouer que je reconnais aucunement les saveurs qui sont dans ma bouche. C'est un mélange de tout en même temps, mais on dirait vraiment du jus de burger, pour vrai. Je regarde et non, je ne vois pas non plus de petits pickles. C'est quand même assez prédominant en plus comme saveur le pickle. Hein? C'est vraiment un mélange assaisonné et pickle. Ouais, vraiment. Ben pourtant, le pickle, oui, mais c'est vinaigré. Comme je sais pas d'où ce petit goût de vinaigre-là sort. Je goûte pas pantoute le bacon. Non. Ni la viande normale. Ni le fromage. Non. Ni la salade, ni les tomates comme sa photo. Ouais, je suis déçu de ma portion de légumes que j'ai pas en mangeant ces chips-là. T'as des patates. Ça goûte pas pantoute le burger. Non. Autant j'avais été impressionné par le smoked meat façon Montréal, que celle-là me laisse assez indifférent, finalement. Ben, mais je les trouve pas mauvaise. Ouais, c'est ça. Mais prenez-en plus qu'une en même temps. Oui, j'en ai pas ça. Peut-être que chaque chip correspond à une saveur. Ça a été bon, ça. Ouais. Mais ça accentue le goût, par exemple. Là, d'en prendre plus. T'aurais des bennes que dans leur show, ils marqueraient genre « Je veux seulement des chips à salade. » Oui, c'est ça. Puis comment tu fais pour les trouver? Il faut que toutes tes liches d'un côté. Non, c'est bon. Ça goûte pas du tout ce que c'est supposé faire, mais moi, je dirais quand même pouce en l'air pour la saveur. J'aime ça. Oui, c'est essai. La première fois que j'apprécie des pickles dans un burger. Oh! Oh, ben voilà. Donc, parce que c'est pas un burger et pas des pickles. C'est ça. Donc voilà, les chips Ridgies au mini hamburger au fromage et bacon, ben c'était le spécial Super Bowl restant. Ils inventent des affaires. Oui, vraiment, ils savent plus quoi faire avec les chips. Nature, c'est rendu trop classique. Vraiment. Mais c'est le fun de faire de temps en temps des chips nature. Oui, exactement. Le prochain mérite un peu d'installation. Écoute, c'était au départ, le concept venait de ce produit-là en particulier que je suis tombé dessus par hasard. Ça va mériter un Facebook Live, ça, Tania? Ah, ben peut-être. Je vais travailler là-dessus. Et moi, pendant ce temps-là, je vais travailler sur la conception. C'est ça, l'installation. Oui. Et je vais vous poser des questions entre-temps. Là. J'espère que j'ai encore tout le matériel que ça me prenait. J'ai pas ouvert mon sac. J'avais, il me semble, tout laissé là. Donc, je me lance. Oui, parce qu'on explique que Jean-Philippe a dû courir après son chien ce matin. Oui, oui, c'est ça. On va raconter l'histoire pour lui parce que pendant ce temps-là, il va pouvoir se préparer. Mais son chien s'est enfui. Il est allé de l'autre côté de la clôture, c'est ça? Il a fallu qu'il fasse sauter la clôture, puis qu'il ait atterri dans du caca. Il a fait sauter la clôture. Donc, grosse histoire, puis il venait de prendre sa douche, je pense. C'est ça. Ça arrive. C'est comme moi, j'ai de la misère à faire la tire de mon chat après que j'ai pris ma douche parce que ça me salit. Imagine. On peut pas tout avoir dans la vie. C'est pas le fun, ça. Donc, Jean-Philippe a sorti des tasses de l'UQTR. Ouais. Je sais pas qui lui a fourni ça. Là. Une pomme, ça, c'est pour mon lunch, par exemple. Ah, ça par rapport. Hein? Non, non. Parce qu'on va goûter une pomme aujourd'hui, les amis. C'est ça. C'est un peu plate. On n'enseigne rien. En fait. On n'oublie pas que j'ai du Dr. Pepper. Non, tout le temps. Tel qu'on a dit. Il s'est acheté une caisse de Dr. Pepper. À chaque chronique, va avoir ça pour accompagner. J'espère tellement qu'il y en a chez Costco. Ça va pouvoir amener une grosse caisse. Je prends des napkins. Il lui faudrait un micro à main. Ouais, vraiment. Ça me prendrait un perchiste. Ouais, c'est ça. Comme ça, je pourrais me déplacer. David était pas libre aujourd'hui, malheureusement. Non, malheureusement. Puis il est juste sur son. Je sais pas pourquoi, il est juste sur son cellulaire qu'on arrive à faire des Facebook Live. Ah, t'es sérieux? Oui. Donc, je vais vous sortir le produit en tant que tel. En fait, j'en ai deux. Deux tasses. Oui, QTR, je me suis dit que ça allait être concept. J'avais ça chez nous qui traînait, tout simplement. Ils sont un peu décolorés puisque ça date de quelques années déjà. Donc, je me suis dit qu'on allait se faire ce matin des mug cakes. Oh my god! Donc, petits gâteaux là, qui se font dans des tasses, là, c'est super la mode. Ben, Pinterest en est garni. Ben oui, exactement. Donc, t'as deux saveurs? Oui, j'ai deux saveurs, puisque ben, c'est ça, je savais pas trop qu'est-ce qui donnait. Qu'est-ce qu'on a indécis. Exactement, et comme je savais pas trop combien on serait, je me suis dit, il faudrait prendre du gâteau pour tout le monde. Et tu vas dédier le noir au chocolat à ton chien et son caca de ce matin. Oui, c'est ça, exactement. Et celui au picot à mes souliers qui sont remplis. Oh! C'est pas ceux que j'ai mis en ce moment, pardon. C'est brisé le chocolat, j'imagine. L'autre, ben là, on commence par le chocolat. Oui, on commence par chocolat. L'autre, c'est vanille française et pépites de chocolat. Miam, miam, miam. C'est par Dr. Oetker's. Ah, en plus, Dr. Oetker, on les connaît pour les pizzas. C'est tout le temps super bon comme produit. Donc, la barre va être haute pour Dr. Oetker. Donc là, j'essaie de pas faire trop de dégâts. Il fallait huiler les tasses. Les tasses, pour vrai. Ils ont comme un peu dégouliné. Tu les as huilés avec quoi? Avec de l'huile végétale. Chez vous? Oui, tout à fait. T'as mis ça dans un sac, t'aurais pas amené ta bouteille d'huile, ça aurait pas été plus. Non, c'est ça, mais en fait, j'ai mis avec un chiffon. Oh. Donc, juste pour qu'il y en ait partout, sur toutes les parois. Puis, je pense que ça a coulé un peu. Ouais. J'ai les doigts ben, vraiment huilés. T'as quand même une tradition à suivre, JP. Je sais pas si tu te rappelles la semaine passée quand t'es échappé du café. Oui, tout à fait. Oui, avec mon coude, toute la nervosité de cette première édition s'est transférée dans mon coude et sur la tasse de café. Et donc, la deuxième semaine, t'avais pas le choix de faire. Oui, c'est ça, exactement. Donc, écoute, si toute la poudre de chocolat... Hey, attends, ça a l'air vraiment difficile à ouvrir. Ouais. J'irai me chercher des ciseaux. J'allais me chercher des ciseaux. Je vous laisse discuter. Parfait. En attendant, ça sera pas très long. On aime ça discuter, nous. Jean-Philippe Jambolo, qui est notre directeur général, puis qui, ce matin, je pense qu'il est allé au-delà de tout ce qu'on a fait dans le passé. On a déjà utilisé le micro-ondes par le passé. C'est vrai. Avec un sac de popcorn oui, qu'on a fait dans le bureau. On le répète, il y a un micro-ondes dans le studio présentement. Absolument, un très beau micro-ondes. Et là, on a réussi à partir un Facebook Live. Ben, on n'est pas live, c'est vraiment un vidéo. Préenregistré, d'accord. Puis ça va être posté dans quelques secondes sur Facebook. Génial. Donc, JP est parti chercher les ciseaux pour ouvrir le sac. Après ça, j'imagine qu'on va connaître le principe. Tu pourrais peut-être te prendre une boîte pour voir un petit peu le processus en avance. Oui, on me l'a montré, en fait, mais je vais vraiment vous montrer ça pour les gens sur Facebook, là, ceux qui vont recevoir la vidéo dans quelques secondes. Donc, vous avez ici le chocolat et le pépite et chocolat. Donc, c'est pas très, très compliqué. Hein? Les méthodes, c'est 1, 2 et 3. OK. On doit graisser la tasse. On doit mettre le mélange à préparation et ajouter le lait. JP est en train de mettre la poudre. On remue pendant 30 secondes. T'as mis ton lait... Oui, c'est ça. En fait, là, je vous entendais discuter. J'ai amené également ma bouteille d'eau au cas où... Soit trop... À cause du lactose, je me suis dit, est-ce que deux... Je pense que c'est deux cuillères à soupe. Est-ce que c'est bien ça? 4 cuillères à soupe. 4 cuillères à soupe. Est-ce que vous allez être correct avec le 4 cuillères à soupe? Oui. Oui, avec de l'eau et du lait, c'est écrit, c'est ça? Non, en temps normal, c'est juste du lait, mais Jean-Philippe, en tant que bon boss, a pensé à nos estomacs. Ah, je comprends, c'est fin. Il y a un thermos, tout, c'est cute. Oui, exactement. Donc, est-ce qu'on y va avec le lait ou on fait une version eau? C'est pour vous. Je pense pas que le gâteau va prendre s'il va avec de l'eau. Ouais, je sais pas, hein. Alors, allons-y, vous en prendrez un petit peu moins. Puis, De toute façon, la fin de l'émission approche, fait qu'on va pouvoir aller faire ce qu'on a à faire avec ça. Donc, c'est pas dans une cuisine. Mais... 3. C'est pas calibre Ricardo, là, comme façon de faire, mais c'est pas. Ricardo, il calcule ses cuillères à soupe exactement. J'avoue, comme ça. J'avoue, hein? Ouais. Puis là, tu dois remuer pendant 30 secondes, selon les indications sur la boîte. Et Jean-Philippe. Je tourne, je m'accroche à la vie. C'est très poudreux. Ouais. Ouais, ça doit, hein? C'est comme la slush sur les trottoirs en ce moment, ça a la texture. Boiteuse! Ouais, j'y allais sur un autre comparatif qu'on avait déjà utilisé. Ton chien, ouais, exactement. J'imagine. Ben, en fait, ça ressemble à une préparation à gâteau très, très traditionnelle. J'ai essayé d'enlever tous les motons. Pendant ce temps-là, c'est parti au micro-ondes, Jean-Philippe? Okay, oui. Oui, tout à fait. Et on parlait un peu avant qu'on rentre en onde qu'on n'avait pas de petite table d'appoint non. ici non, en studio. Donc, j'ai mis le micro-ondes sur un siège. Il n'est pas à niveau. Donc, j'espère que la tasse va rester droite. Mon Dieu, j'avoue. Pour vrai, c'est très dangereux. Je pense que d'ici la prochaine chronique, on peut se permettre de mettre une table là. Oui, c'est la prochaine. Exactement, sinon je m'installerai par terre. On a combien de temps? On a une petite minute et 15 et quart, donc je savais pas trop la puissance de mon micro-ondes. Ça dit plus ou moins 5 secondes selon la puissance. Oui, c'est ça. Ah, ouais. Un 700 puis un 900 watts, c'est 1 minute 15. Et si c'est un 1000 à 1200, c'est 1 minute 5. Donc, on est à 10 secondes près de rater notre, notre gâteau. Il y a vraiment des bruits bizarres qui sortent du micro-ondes. Oui, vraiment, je pense que ma tasse est bien huilée. Mais non, mais je la vois, elle défie la gravité quand même, c'est très bien. Ah, c'est bon ça, on aime ça. Si ça explose, ben tu sais, on est assuré. Oh, ça sent le cauchemar-là dans le studio. Oh, les amis. Donc maintenant que c'est prêt? Oui, écoute, je crois qu'on a un micro-ondes de 1000 à 1200 watts. C'est allé trop longtemps? Je sais pas. Écoute, je crois que c'est pas normal. Le gâteau a clairement levé dans la tasse. Il est redescendu. Et c'est complètement affaissé. Ouais. Donc, c'est malaisant. Ça ressemble à rien du tout pour l'instant. À une grosse crotte, hein? Oui, vraiment. Même pas, là. Ça ressemble même plus à ça. Donc, ça ressemble à un cratère, genre de volcan. Mais est-ce que ça va être bon au goût? C'est ça qu'on veut savoir. C'est comme un brownie, ça peut tomber aussi, mais ça peut exactement, être bon. Exactement, donc je vais te donner ton arme pour passer à travers. Une cuillère de plastique, gracieuseté du boss. Merci. Voilà, donc qui commence? Vas-y, je te laisse aller, Mathieu. Attention, ça va être chaud. C'est très, très, très chaud, je vous avertis tout de suite. Donc je vais m'en prendre une petite cuillère sur le dessus. Oh, ça a l'air assez moelleux quand même. Malgré tout, malgré l'affaissement général. C'est la texture d'un brownie plus que d'un gâteau. Je te dirais, je vais te la glisser pour que tu le prennes par la poignée. Jean-Philippe, donc voilà. Ah, merci. On va y aller, on va plonger là-dedans. L'odeur, là, c'est vraiment brownie, là, vraiment fort. C'est vraiment très chaud. ouais. Ouais, ça boucane. Oh, ça donc, sent le brownies, les amis. Soufflez un peu avant, je pense. Ouais. On goûte? On goûte? Ah, ouais, moi, je suis parti. Allons-y. Oh! Ah, c'est beaucoup trop chaud. Ouais, la première chose qui me vient à l'esprit, moi aussi, c'est que c'est vraiment chaud. Mm-hmm. Peut-être qu'on devait laisser reposer genre 3 minutes après. Ça goûte ce que ça devrait, par contre. Le goût est très, très bon. Hey, très c'est vraiment moelleux. C'est bon. J'aurais pas pensé que ça allait être bon, même raté, ça. Oui, effectivement, c'est marqué de laisser refroidir 3 minutes. OK, fait qu'on peut faire autre chose pendant ça, là, quoi. Donc, vous voyez, c'est ce qui est génial. Pour vrai, c'est marqué avec... ça? Oui, donc ce qui est génial avec ces instructions-là, c'est qu'on les a lues, l'étape 1 à 3, donc c'est très, très simple. Ouais. On met le mélange, on met du lait, on fait cuire. Et en tout petit, ici, alors la dernière ligne, c'est laisser refroidir pendant 3 minutes. Donc, je pense que les gens, ils se sont fait à l'idée que les gens attendaient juste pas 3 minutes. C'est ça, pour non, manger. On oublie. Hein. Mais peut-être que quand on est habitué de le faire, peut-être qu'on va pouvoir se tenir près du micro-ondes pour attendre qu'il soit gonflé. Et tout de suite le sortir du micro-ondes, surtout qu'il est gonflé, peut-être. Ben oui, exactement. Écoute, on pourra peut-être faire un petit spécial la prochaine fois que je vais venir, puisqu'il m'en reste un. Celui vanille française et pépites de chocolat. Je dois avouer qu'il m'intéresse quand même beaucoup. Je pense qu'on va avoir quelque chose d'assez décadent et sucré. C'est le fun qu'à chaque semaine, t'es un restant de la semaine d'avant. Ah, ben oui, écoute, c'est des restants de l'autre fois. Le restant à GP, c'est comme ça que ça va s'appeler, la chronique. on savait pas trop, là. Donc, voilà. Donc la prochaine fois, on commencera avec un vanille française et pépites de chocolat. Génial. On rappelle qu'on te

Une grosse pointe tendresse, c'est la chronique dans laquelle on goûte à un produit du tiroir, c'est-à-dire un produit acheté en magasin, en pharmacie, en dépanneur ou peu importe, et qui nous fait prendre du poids, prendre de la culpabilité mentale, des trucs comme ça. Et cette semaine, pour le grand retour de la chronique live, comme ça, en studio, c'est Tania qui s'est procuré quelque chose. Ben oui, c'est moi qui s'est procuré quelque chose hier, du côté de métro cette fois. OK. Et j'espère, Mathieu, que tu ne les as pas goûtés déjà. Non, je les ai vus, mais je les ai pas goûtés. Le paquet est à l'envers, par contre. Oups, excuse-moi. Ben, je l'ai sorti de ma poche de veste, donc je voyais pas de quel côté c'était. Mais c'est les Hershey's Cookies and Cream Mix. Ah, comme les autres mix de Hershey's, mais différents, celui-là. Exactement. Avec d'autres affaires. Donc, collation sucrée et salée. On parle ici de mini-barres de biscuits et crème Hershey's, là, celle qui est blanche avec des petits pois noirs dedans. Là, et des c'est l'Oreo. C'est ça, exactement. On retrouve aussi des bouchées de biscuits au chocolat. Oh! On retrouve des bouchées de biscuits à la vanille et des mini pretzels. Oh, j'aime ça, le petit côté salé des pretzels. Oui, exactement. Moi aussi, j'aime beaucoup. Donc, c'est fait par Hershey Canada, bien évidemment. Les meilleurs. On l'aura deviné. Puis c'est bon avant octobre 2017. Oui, puis on les aime tellement que, qu'ils n'hésitent pas à nous envoyer une boîte d'essai s'ils veulent. Non, c'est s'ils ça, exactement. Qu'on essaie leurs produits. Si ça vous tente, ça ne dérange pas. C'est inscrit dessus, nouveau. Oui. J'ai le petit sachet. Il y avait une boîte aussi qui était beaucoup plus dispendieuse, aux alentours de 4,50. Le paquet était vraiment plus gros. Mais si on y va pour le petit sac, le petit qui est quand même assez grand, oui, là, qui même. Est une bonne portion, là, je te dirais que... Il est rempli. Là. Il a l'air pas mal plein. Trois quarts plein minimum. C'est ça. Ben, c'est 1,60. Hein? C'est pas cher, ça? Donc, vraiment pas cher. Tu pourrais vendre ça bien plus cher. Ben oui, clairement. Oui, je me suis peut-être fait avoir, puis c'est pas la bonne étiquette, puis j'ai pas regardé la facture. Peut-être que vu que c'est nouveau, ils essaient de le vendre. Ben, peut-être. Il y avait aussi O. Henry. Oui. Reese. Et... un troisième dont je ne me souviens pas. J'avais déjà essayé Reese, je crois, mais c'est le seul. Okay. Il me semble. Tu vois, j'ai pensé à amener au Henry, mais je trouvais que ce qu'on retrouvait à l'intérieur était sensiblement souvent ce qu'on retrouvait dans les mix qui sont déjà chocolatés et salés. C'est ça. Ça, c'est là, quand même original. Là, je me suis dit, cookies and cream. Hmm. Ça a capté mon attention. Ça a du potentiel. Oui, exactement. On est sûr pas mal qu'on va aimer ça déjà. Je vais aller chercher le micro magique. Oui, il est loin, là, le micro magique. Fais attention, là, Caroline. Il veut pas se faire prendre trop souvent. Il est gêné. Hein. Ça fait un mois et demi qu'on s'en est pas servi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu besoin de lui. C'est ça. Fait qu'il se montre... Donc, il est encore capable. Ça. Ça, c'est à l'extérieur. Oui. Puis il y a une fente dessus pour bien l'ouvrir, tu sais. Fait que vous n'avez pas besoin de faire comme moi d'habitude puis de tout déchirer. Oui, mesdames, ça s'ouvre par la fente. Oui, en effet. Pour certains, ça fonctionne comme ça. C'est pas trop fort, par exemple, tu peux déchirer quelque chose. Non, c'est ça, exactement. J'ai comme peur. Je vais sentir. Oui. Oh mon Dieu, que ça sent bon! Ouh. Est-ce que tu sens plus la vanille, le chocolat, la crème? C'est vrai que je sens la crème du cookies and cream. J'ai tenté de l'ouvrir un petit peu plus. Je pense que t'es supposé te le verser. Oui, c'est ça, ça fonctionnait pas super... Essaie d'en avoir de chaque, ça. Super bien. Oh, c'est des tout petits morceaux! Oui, quand même, donc, j'imagine que t'en as beaucoup pour le sac, la grosseur du sac, quand même, vu que c'est quand même petit. Bon, attends un peu... OK. Ah, j'en ai pas mal de chaque. Donc, regardons un petit peu les pièces pour commencer. Oui. Est-ce que c'est décrit quelle forme a quoi? Bien, en fait, les cookies and cream, ce sont les rectangulaires. Ah, voilà, qui ressemblent à des gommes. Ouais, vraiment, des tridents. Genre. Des tridents, exactement. Par la suite, les petites boules noires qui ressemblent à du caca de lapin. C'est ça que je l'ai dit! Bien, c'est des petites boules au chocolat. OK. Par la suite, il y a la petite boule blanche qui est qui est celle à la vanille. Les formes sont bizarres, on dirait des cloches. Je sais. C'est bizarre. Et les bretzels sont comme des crottes aussi. C'est comme des crottes. Et comme des boules, là. Ah oui. Ouais, des petites boules. Ça a été façonné en genre de petites boules. Donc moi, je vais faire un mix des quatre. Oui, OK, bonne idée. Ouais. Je vais y aller pour les quatre ensemble. On se lance ça. Est-ce que moi, je vais y aller avec l'odeur aussi un petit peu? Pas désagréable. La crème, surtout la crème. Ah, on dirait vraiment, ça sent le Oreo, là. Oui, vraiment. Ouais. Puis... Tu sens pas nécessairement le pretzel. Non, absolument pas. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On se lance? Ouais, go. On dirait que le pretzel a priorité. Ouais. À cause du croustillant et du salé. Puis là, tu te ramasses dans le crémeux. Un peu. Je te dirais que les deux autres, tu sais, les deux crottes de lapin... Goûtent moins, hein? Goûtent moins, ouais. Je crois qu'elles sont trop petites. J'aurais fait les boules de chocolat et de vanille plus épaisses un peu. Elles sont croustillantes. Ah, attends un peu, je vais voir si je peux juste prendre les petites crottes. Tu vois, c'était ça que je viens de faire aussi. Ah oui, c'est en croustillant. Ah, c'est des morceaux comme de biscuits au chocolat. Ben oui, je m'attendais pas à ça. Ah, je pensais que ça allait être du chocolat mou. Moi aussi, je croyais que c'était du chocolat mou. Je pense que ça aurait été mieux avec du chocolat mou. Celle à la vanille, j'imagine que c'est un biscuit à la vanille. Aussi, ouais. Je sais pas, on dirait que ça vient contredire le bretzel. Je trouve pas que c'est une bonne idée d'avoir fait des biscuits solides. Moi non plus. Je pensais que c'était des petites boules de chocolat. Ça aurait été deux fois meilleur. Ouais. Le potentiel n'est pas atteint pour moi. Malheureusement, non. Non, j'avais vraiment l'impression que j'allais adorer ça. C'est pas mauvais, mais tu goûtes pas grand-chose. C'est ça. C'est surtout ça. Le salé du pretzel est vraiment très dominant. Vraiment. Je te renvoie le sac après avoir pris juste une autre. Je regoute, là, puis... Et c'est drôle, mais j'ai quasiment juste du cookies and cream dans ma main. Je suis pas capable d'avoir des pretzels. C'est les plus gros morceaux, hein. Que... La table est beaucoup trop large pour se passer des choses avec nous. Ouais, avec ben bon, c'est quand même bon. C'est agréable au goût. Ouais. Je m'en clencherai pas 3-4 sacs de même. Là. C'est inoffensif. Oui, c'est ça. J'ai pris celle-là parce que j'étais déjà à la base une grande amatrice des cookies and cream. C'est très bon. Très chocolat blanc. Exactement. Vraiment. Ce qui fait rehausser le goût du sucré là, dans le... Ouais. Sucré-salé. Mm-hmm. Mais on dirait que les petites boules aussi, ils sont salées. C'est possible. Autre que les pretzels. Je trouve que c'est trop... Si tu veux faire un sucré salé, mais pas deux affaires qui sont du côté croustillant, ouais. Salé un peu. Mais bref, c'est pas mauvais. Essayez-le. Je sais pas si ça va être la meilleure de toutes leur gamme de produits mix. J'essaierai peut-être les autres pour voir. Tu vois, là, je me dis que j'aurais peut-être dû prendre Ho Henry pour la différence... de goût qu'il y avait à l'intérieur. Je suis curieux de savoir si le mélange au Henry... Au Henry, c'est celle qui a l'espèce de tige sucrée dans le milieu, hein? Ouais. Ça, j'aime vraiment ça. J'aimerais ça qu'il y ait des bouchées de ça. Avec peanuts, enrobées de caramel. Oh, j'avoue, hein. Donc, d'après moi, de ce côté-là, au Henry peut-être peut plus gagner mon pouce en l'air que je le crois Hershey's aussi. Cookies and Cream. Je mets mon pouce sur le... Non, par en bas. Par en bas? Ah, sur okay. Le côté, sur le côté. Sur ce point, à ce ouais. Point-là. Mais si moi, on y va sur l'échelle du essayer, acheter ou passer, ouais. J'irai sur le passer. OK. Ouais. Je vais y aller sur... je l'achète une fois, mais je l'achète pas deux fois. Ah, d'accord. Oh, c'est bien. C'est raisonnable. Ouais, c'est ça. Une grosse pointe dans le reste. Comme je l'ai dit tantôt, c'est la chronique où on goûte à quelque chose qu'on s'est procuré dans le commerce. C'est quelque chose de malsain, quelque chose qu'on n'a encore jamais essayé. Et cette semaine, c'est Tania qui nous a apporté un beau petit produit qui est là, emballé dans une couverture comme un petit bébé. Fait que je pense qu'on va manger un enfant. Exactement, non. En fait, j'avais pas de sac pour pouvoir cacher le produit en tant que tel. Alors, je l'ai enroulé dans mon foulard matinal. Et ton énorme foulard matinal, on va se dire. Mon énorme foulard matinal. Mathieu, est-ce que tu connais le popcorn Bad Monkeys? Non! Ah, pour vrai? Bad Monkeys! OK, oui, c'est un popcorn québécois. Et ils ont passé, en fait, à l'émission Les Dragons. Pour vrai? Ce sont des frères et des sœurs. Et pourquoi est-ce que ça s'appelle Bad Monkeys? En fait, ça s'appelle comme ça parce que leur mère, quand elles étaient jeunes, elle les surnommait les Bad Monkeys. Ah, ils faisaient des petits tours, les garnements. Exactement. Donc, on parle d'une création géniale et délicieuse de quatre frères de Québec et Montréal qui, justement, une ça combinaison faisait, de quatre frères. Dans chaque sac, il y a quatre frères. C'est ça, t'as tout compris. Il n'y a aucune arachide dedans. Donc, pour ceux qui sont allergiques aux arachides, il y a un gros signe comme quoi vous n'allez pas mourir si jamais vous mangez ça. Sinon, ça peut aussi ressembler à une serviette sanitaire brune. Aussi. Mais bon. Il y a plusieurs sortes de saveurs différentes avec le popcorn Bad Monkeys. Si on se fie à, par exemple, l'étagère que j'ai vue hier à l'épicerie, parce que c'est comme ça que je me l'ai procurée, je suis allée à l'épicerie. On en retrouve un peu partout, honnêtement, dans n'importe quelle épicerie. Puis, ceux qu'on retrouve, eh bien, aujourd'hui, j'ai amené, parce que je t'ai posé la question. Tu files sucré ou salé? J'ai évidemment répondu les deux. Exactement. Par la suite, je t'ai demandé, tu files mou ou croustillant? On se rappelle que j'ai répondu croustillant. Exactement, parce que mon deuxième produit était mou, alors j'ai décidé de prendre le croustillant qui est le popcorn. Et aujourd'hui, je vous ai amené saveur fromage nachos et caramel. Et le mélange Boston un peu, là, comme on aime. Style. Et le mélange, c'est le mélange bad girl. Bon, le sexisme encore, là. C'est juste des filles qui peuvent boire, qui peuvent manger ça. Je sais pas pourquoi, mais j'ai trouvé ça quand même drôle. Donc,

Non, c'est comme tu veux. Je viens d'éteindre, là, ça va être dégueulasse. Est-ce que j'ai conté l'anecdote que. des fois, je prends ma douche puis je porte pas trop attention, tu sais. Puis je me suis mis de la crème pour le visage, des cheveux. Oh non! Ouais. Très bonne idée. Super bonne idée. Tes cheveux devaient être gras, hein? Ouais, fait qu'il faut que je fasse attention avec où est-ce que je vais mettre ma mac poulet. Fais attention avec ta sauce à mac poulet. Porte attention. Bref, j'ai vu qu'il y avait aussi la sauce pour Big Mac qui s'en venait plus tard. C'est vrai. Mais en épicerie, j'ai seulement vu la mac poulet. Donc on va goûter à ça. Elle est fraîchement achetée. Fraîchement température pièce, je pense que c'est l'optimal. À l'épicerie, ils mettent pas ça au réfrigérateur à l'épicerie. Là. Chez McDo non plus. Une fois la bouteille ouverte, peut-être qu'il va falloir la mettre au frigo. Mais peut-être. Donc on va lire un petit peu qu'est-ce qu'il y a dessus. C'est marqué sauce authentique. Oui, rien de plus authentique que la sauce du McDo. Fait par de vrais chefs et voilà. De bas étage. ça dit sauce style mayonnaise. Style mayonnaise. Pas si de tu demandes de la mayo là, c'est sur au McDo, ils te disent ah de la sauce à mac poulet. Ou non, la mayonnaise. Non, je veux de la mayo. Ouais, mais on n'a pas ça, hein. C'est ça. C'est mieux que de la Miracle Whip. Au moins. C'est en format de 355 ml, ça dit nouveau sur le côté, là. Je pense que tout le monde sait que c'est nouveau parce qu'on n'a jamais vu ça avant. Parmi les ingrédients, huile de soya, délicieuse huile de soya. Ça part bien. De l'eau. Ça dit pas de où. moutarde. Pas du fleuve. Pas du fleuve. moutarde préparée, qui contient elle-même eau, graines de moutarde, vinaigre, sel, son de moutarde. Son de moutarde? Est-ce qu'on écoute un extrait du son de moutarde? Ah, attends, j'aurais dû enlever le fond puis juste faire son de moutarde. C'est ça ici. Les petits oiseaux et les moutardes. Son de moutarde. Des outardes? Des outardes? L'erreur est facile à faire. Joke de mon nom? Ouais, vraiment. Ensuite, jaune 2 liquide. OK. OK. Liquide, ouais. Ben, ouais. C'est important. Ah, pas dur. Non, puis il n'y a pas de poussin dedans non plus. Non, c'est ça. J'espère. De poussin dedans. On espère. vinaigre, sucre, sel, gomme, xanthane, etta de calcium. Il y a etta de calcium. Etta de calcium. De calcium. C'est de l'etta de calcium disodique. Ça nous rappelle à la fin que ça contient des œufs et de la moutarde. J'ose espérer. Ça a été fabriqué en 2017, c'est une bonne nouvelle. c'est rassurant. Péremption le 1er novembre 2017. Et si vous avez des questions, vous pouvez appeler. Hey mon Dieu, c'est donc bien long longtemps. C'est un produit Kraft Heinz. C'est bon longtemps, jusqu'en novembre 2017. Et sur les tablettes, là, on rappelle que c'est vendu sur les tablettes, donc je l'ai gardé température tablette, je l'ai pas mis dans le frigo. Donc, agent de conservation au maximum là-dedans. Ben, j'imagine. Fait nutritif pour une cuillerée à soupe de 15 ml, on a 100 calories, 11 grammes de lipides, et source négligeable d'autres éléments nutritifs. Ou non nutritifs. ils ont pris la peine de faire un petit décor sur les côtés des bouteilles, un genre de fioriture, comme les meubles dans les... Ah, tellement inutile. Comment on appelle ça, les meubles, chez un magasin de meubles fancy? Un antiquaire! Fancy! Ben là, c'est fancy dans le sens que... Des vieux meubles. Des meubles qui valent plus cher que du Ikea. C'est ça que je voulais dire. Ouais, c'est du vrai bois. Pas de la mélamine. Bref, il y a des fioritures sur leur affaire, et c'est tout ce que je remarque comme détail. La bouteille est transparente, le capuchon est noir... C'est tout ce que vous avez à savoir. Mac poulet. Peut-être qu'on va réussir à coller des affaires avec cette sauce-là. Pourquoi est-ce que la bouteille n'est pas en forme de mac poulet? T'aurais dû leur demander. Est-ce que t'as dit qu'on allait coller des affaires avec ça? Hey, peut-être que si tu veux, tu pourrais... Je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'on pourrait coller des affaires avec ça. Après y avoir goûté, là, j'ai une idée pour toi. OK, on ouvre ça dans le micro. On rajoute ça dans poutine. C'est ce que j'allais dire. Les punch. Là, il enlève un petit peu comme sur un emballage de moutarde ou ketchup, là, le petit... C'est l'affaire difficile à enlever avec les ongles. J'en ai plus d'ongles, là. T'as plus d'ongles. C'est juste que, hein? Ça vient du McDo, fait que ça s'enlève difficilement. T'as besoin d'aide? Ah, je l'ai. Ça va, c'est long, là. Merci. Voilà, super. Hey, on a eu un autre invité surprise qui est dans la porte. Ah, viens-t'en! Il est parti. Parce qu'on a assez de micros pour ça. Ah, c'est vrai. Ben, il y en avait un autre à l'autre bout. Donc, t'as mis... Je la shake-tu? Oui, brasse-nous ça. Ça fait pas de bruit, là. Shake comme tu n'as jamais shake. C'est de la mayo, là. On veut que tu shake and squirt. Shake and squirt. Squirt, pas sûr. Pas sûr. Surtout la texture et la couleur de ce produit. Ça sent la mayo, en fait. Ça sent la mayonnaise ou est-ce que tu ressens un petit quelque chose de mac poulet là-dedans? Absolument rien de mac poulet là-dedans présentement. Elle s'en met sur le doigt. Mais tu m'as dit de le prendre avec mon doigt. Oui, mets-le pas dans les cheveux. Puis moi, j'ai eu la poche d'air qu'elle avait. Ah, c'est parfait, ça. Oh my God. Qui me lance la bouteille? Marie, elle en a vraiment beaucoup. Bouche-la avant de la... Ah, OK. Ce superbe temps de silence. Le silence est présenté par McDonald's. Par Mac Poulet. OK, donc la texture est très mayonnaise, tu l'as dit. Il n'y a pas de. Ça sent la mayo, il n'y a pas de mouton, il n'y a pas. Pas de mouton, pas de petit. Je m'attendais à peut-être une texture, quelque chose. Non, ben souvent là-dedans, il n'y a pas de texture. Est-ce qu'on se lèche le doigt? On n'a pas le choix. Ah, wow, ça goûte la mayo. Ça goûte la mayo. Ça goûte vraiment pas la sauce à Mac Poulet. Ben, je vois pas la différence entre la mayonnaise et la. Attends, je vais m'en prendre un plus gros squirt. Oh my god, Mathieu! Quoi? C'est vraiment un gros squirt ce que tu viens de faire, là. Ben! Ça goûte vraiment les œufs, en fait. Ouais, vinaigré. Ouais, c'est ça. Ben, y'a pas grande différence avec la mayonnaise. Oh. Si j'avais l'avant après pour pouvoir comparer avec la mayonnaise, ok? Manque juste la vraie mayo sur le pot. Ouais, ben, c'est ça. Ben, c'est ça. Finalement, ils ont pris de la Miracle Whip puis ils ont mis une coupe d'épices dedans. C'est fait de craft en plus. C'est ça. Mais je pense que le résumé de la chose, ça veut dire que le Mac Poulet de McDonald's ne se résume pas à sa sauce, mais bien au reste. Fait que peut-être qu'à la place. Qu'il de... poulet. Ben c'est ça, qu'il poulet puis la salade puis le pain. C'est ça, pareil. Et non la sauce. Exactement. Fait le Mac Poulet. Je pense que la sauce Big Mac va avoir un plus grand succès parce que c'est comme de la vinaigrette mille-îles. Tu penses? C'est orange avec du. Tu peux, mais juste sur un doigt de même, là, ça. Ben, c'est sûr que là, tu l'accompagnes d'un doigt. Si tu prenais, mettons, une fourchettée de poutine de la chasse galerie à partir de lundi, 15h30. Qu'est-ce que le don voir? Depuis tantôt, t'arrêtes pas de dire que tu vas la mettre amène-moi dedans. Amène-moi ça. Pas vrai? S'il te plaît. Je vais me prendre une fourchettée et je vais te avec détruire ta poutine. Mais tu sais-tu quoi? Quoi? Il y aura pas de mayo à chasse galerie. J'espère. Quoi que s'il y en a, ça va être de la mayo vegan. Pas de ketchup non plus. Pas de ketchup. Hey, ça, est-ce que non, t'as eu pas de ketchup. Est-ce que quelqu'un t'a demandé la chose la plus insultante pour une chef? Passe-moi le ketchup. Non, ben moi j'ai pas entendu peut-être en avant, mais moi j'ai jamais reçu ce commentaire-là. Hey, en passant, ouais, je sais, je suis en train de verser ça. Là. Hey, moi puis l'alignement, c'est l'art parfait, de scraper une poutine de la chasse galerie. Ok, je mange, attention. Merci de me soulever le bol pour pas que je fasse de dégâts. Pas mauvais. Des fois, de la mayonnaise, c'est bon. J'ai comme réussi à voir ton œsophage quand t'as ouvert ta bouche. Je nous trouvais vraiment très proches pour une bouchée de poutine. Ouais. J'étais comme pas sûr. C'est pas mauvais, mais pour vrai, ça change absolument rien et achetez pas ça. Ça goûte la mayo. Ça goûte c'est vraiment juste la mayo. C'est plate, c'est plate. On va réessayer peut-être avec la Big Mac. Mais c'est ce que j'ai compris. Hein. Oui. La caissière a dit « Oh, wow, c'est nouveau. » Je fais comme « Ben oui. » Puis elle dit « Ah, j'avais vu la Big Mac, ça avait l'air meilleur. » Ben oui. Ben, il a l'air d'avoir plus d'épices dans l'eau. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est le même, madame, c'est le même. Hey, désolé pour avoir gâché ta poutine. Hey, c'est bon, vrai, j'ai une poutine en attente. Oui, oh, tu peux maintenant aller la manger. Oui. Ouais, puis tu nous feras ta critique de ta propre poutine. C'est ça, exact. Merci. Merci, Marilyn, qu'on a enlevé de son travail pour quelque chose d'aussi peu utile que de manger de la sauce à Big Mac Poulet. Mac Poulet. Merci, Marilyn. C'est toujours le fun d'avoir une petite syllabe de David Perron dans l'intro à chaque fois. C'était quoi ta syllabe aujourd'hui? C'était quoi? B? En fait, donc, c'est ça qu'il fait. Une grosse pointe d'adresse, c'est la chronique dans laquelle on goûte un produit du tiroir, c'est-à-dire un produit acheté en magasin, en épicerie, en dépanneur, en pharmacie, peu importe, quelque chose de malsain, quelque chose qu'on ne devrait pas acheter, qui a beaucoup de calories des fois. Ça peut être sucré, ça peut être salé, ça peut être fade, ça peut être bon, et on donne un verdict à la fin. Et aujourd'hui, comme je l'ai mentionné en intro, en fait, j'ai amené les deux produits en studio parce que je voulais vous laisser le choix, mais je me rappelle qu'en début d'émission, j'ai laissé tomber un petit indice dans le tout sur... début. Les... Je te rappelle pas si c'était dans l'intro avant qu'on commence l'émission, là, dans l'intro avant la chanson thème. T'es certain? Parce que moi, j'ai vu passer quelque chose sur Facebook. Oui, aussi, tout à fait. Qui m'a donné une puce à l'oreille. C'est le même texte, en fait, que j'ai. OK. Je le copie-colle. Fait que je dirais quelque chose qui se mange. Quelque chose qui se mange. Clairement. Qui est sucré. Qui est souvent sucré. Ouais. Puis qui reste pogné dans les dents. Et voilà. David, est-ce que tu as une idée de ce qui s'en vient? Ben, on dirait des jujubes. Des jujubes! Oh! Voilà. C'est comme si t'avais lu l'intro sur le Facebook. Ben, même pas, en fait. Qu'est-ce qui se crée qui pogne dans les dents? C'est sûrement pas un Oreo trempé dans le lait. Ça aurait pu aussi. Je trouve que la crème d'Oreo va quand même te pogner dans les dents. Ouais, ouais, c'est vrai. Dépendant. C'est des plombages ou pas? Ouais, ça dépend aussi de l'écart entre tes dents. Ouais, fascinant. Donc, aujourd'hui, notre produit, est, c'est des jujubes, mais c'est des jujubes vraiment particuliers. J'avais jamais vu ça de ma vie. C'est par la compagnie Carnaby Sweet. Ce sont des oursons gommeux enrobés de chocolat. Chocolate covered gummy bears. J'avais jamais entendu la traduction ourson gommeux. Fait que là, t'es en train de me dire que j'aurais pas dû me prendre des petites amandes enrobées de chocolat après mon dîner. Parce que j'avais un rush de sucre. Là, tu l'as perdu ton rush à cause de tes 5-6. Oui, oui, j'en veux plus. Là. T'en veux plus. Ben, j'en veux plus. Dommage. Ben, c'est bien que t'aies un petit côté épicunier comme ça. Épicunier.